Donc, cette semaine, au collectif, vous allez entendre parler de jeux vidéo, vous allez entendre parler d'Internet. De père sous attention ultime, sans arrêt. De Milter qui enlève ses écouteurs pour savoir si l'enfant va se réveiller. Des E3 de ce monde, puis des choses comme ça. Fait que place au podcast. Éric, ris-donc un peu. Inquiète pas, je vais rire en crise, le site. Direct de chez Milter, vendredi le 20 juin. Il est présentement 21h05. C'est quel chiffre? 5. C'est combien, là? Là, c'est le 43. On approche du 50, là. Mais ça, bientôt, vieux. Bientôt. On t'avait de s'acheter une Miata puis d'aller croiser des petites filles de 21 à ans. À quelque part, là. C'est 43 semaines de documentation, c'est de conversation en fois deux personnes. Ça, c'est 50. Semaines. C'est fou, là, quand même. C'est fou, pareil, hein. C'est... On approche de la 50. La vie plate est disponible à l'œuvre à tout le monde, hein, puis on a de quoi dire, au moins. On pourrait plus faire des jokes d'âge quand ça va être Vincent, par exemple. Ça va... ouais, des jokes d'âge Vincent. Mais on va peut-être pouvoir. C'est quoi l'article que j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait une femme de 102 ans qui était accusée de meurtre? Ouais, de ouais, oui, merci en passant au National Post. C'est ainsi les journaux anglais. Ben, tu sais, écoute, j'avais le choix entre deux têtes d'articles, soit ça ou soit Iggy Azalea qui est écœuré de se faire finger par ça. Non, des attentats de fingering. Ouais, le monde. C'est parce ben, que. Il y a l'autre gars. Fait du body là. Surfing, puis le monde essaie wow. de dire comme. J'ai vu ça. Mais il y a le criminel aussi, là, le beau mannequin là, qui est mais... le gars le plus beau criminel du monde, là, supposément. Là. Qui est gay, ont... ou... Non, même pas. C'est une photo ouais. avec ses frères, là, supposément. Mais c'est un mugshot, puis toutes les femmes font comme « Oh shit, il est beau! » Tu sais, même pas « Wow, il s'est fait arrêter pour comme vol à main armée plusieurs fois ou quelque chose. » Attractive male convict meme, c'est start. Attends, ou... c'est-tu comme le gars qui faisait la course? C'était quoi? C'était le incredibly good-looking guy, là, que, comme il courait. C'était le jogger, ça. Quasiment, mais là, c'est un mugshot, là, le gars. Mais il y a le mugshot d'une femme aussi, ben là, beau, de ça, là, qui a fait ouais, un ouais, mais ça, c'est comme il y a 5 ans, là, mais là, c'est comme le nouveau... renouvellement de c'est un homme. Mais quel un twist homme. Dans le monde des mimes de l'Internet. Oh, mais parlant d'Internet, parce que Internet occupe une partie intégrale de nos vies, c'est sûr. On n'a plus le choix maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec vous autres, les boys? Toi, t'as pas Éric, quand tu fais un signe comme ça, si tu genre j'ai pas d'actualité, quoi? Pas encore, non, mais okay. J'aimerais entendre Milter, en fait, je suis plus curieux de ça, puis inquiète pas, je vais en avoir ben, dire. Moi... En fait, là, je m'inquiète. Moi, dans le fond, j'ai eu un petit peu problème il y a longtemps, dans le fond, avec ma Xbox One. OK. Le lecteur CD, il rushait un peu. Mais au début, quand je l'ai eu, le premier, je te dirais, deux semaines, tout allait bien, il n'y a pas de trouble. Après un certain temps, mais je mettais un jeu, puis il ne lisait pas. C'est à cause que tu n'as pas une Xbox, pas une PS4, ça, Milter. Ben, je le sais, gars, j'ai fait le mauvais choix, j'assume. Mais ils ont une chose qui est pardonne là-dedans, que je me dis, c'est... Qu'est-ce que je vais expliquer? C'est qu'après quelques mois, parce qu'on s'entend que je l'ai eu day one, puis comme je vous dis, c'est après deux semaines que j'ai commencé à réaliser qu'il y a un certain problème. Mais en gros, le problème, c'est ça. Je mettais le CD, il le reconnaissait pas. Je le sortais, je le remettais. Est-ce qu'il te reconnaissait pas ou il disait que tu n'avais pas le jeu accès à ton compte? Parce que tu veux dire, il me reconnaissait pas, c'est les Xbox, il disait pas « Hey, salut Milter, j'en entends mon Non, ça, il me le dit. Chaque jour. Il dit quand je l'ouvre « Hi Jonathan », il l'ouvre pour de vrai, ça paraît que tu n'as pas d'Xbox. Tu avec la voix? Oui, un petit peu plus, là, je suis sûr qu'on va pouvoir le faire nous le dire éventuellement. Bientôt, il paraît que tu vas pouvoir downloader des DLC de voix de genre Chuck Norris. I can't do that. Est-ce que c'est vrai, ça? Je veux pas déraper. Parce que tu sais que tu viens de nailer sur de quoi qui serait très hot. Moi, comme consommateur Xbox One, je suis down avec Van Damme qui me dit ben oui. Bienvenue Eric. J'aimerais ça. Je sais pas comment il va son accent belge. Là, mais... yeah, j'essaie de juste expliquer mon point. Cette rendu-là. Mais en gros, non, c'est tu mettais le CD puis il y avait juste fuck all qui se passe. D'habitude, ça l'apparaît. Moi, je le mets à automatique, là, que le jeu part automatique. Sinon, dans le petit carré de Insert CD, là, si on peut dire, mais tu vois le jeu popper dans ce carré-là, puis il apparaissait pas. Des fois, après un certain temps, il y avait un genre de message qui apparaissait, puis c'était carrément comme « Are you sure this is a game, a CD ou quelque chose? » Là, même pas comme toi, tu parles, Eric, t'as-tu ta licence ou t'as cliqué dessus ça, parce moi, qu'il n'y a pas de CD dedans. Mais ça, c'est parce que t'as cliqué sur le jeu puis t'as pas ton CD dans la machine, souvent. Ben, moi, j'ai appris que c'est quelque chose à peu du cache qu'il y a dessus l'Xbox. Il y a bien la en tout cas, dès que j'ai compris, il y a de la mémoire cache, à comprendre comment vider la mémoire cache quand tu arrêtes un jeu mi-chemin, puisque tu peux switcher. Un petite parenthèse, avec une Xbox One, je sais pas si tu peux faire ça avec d'autres consoles, mais tu joues puis tu mets stop puis tu regardes la télé puis tu le fermes puis deux jours plus tard t'allumes t'es où ce que t'étais là. Wow, exactement là. Ça, je sais qu'est-ce que tu veux dire là, mais ça ça arrive pas quand tu joues à juste un jeu à fois là. Si tu changes de jeu tout le temps c'est d'autres choses. Fait que ta Xbox mais a pété en gros le CD c'est ça il marchait non mais quand je dis la Xbox fonctionnait parfaitement, des jeux downloadés tu sais tout, il y avait aucun trouble sauf le CD, c'était le lecteur CD. Fait que là après combien de mois, quasiment 6, peut-être plus même, parce qu'on est en juin, puis ça a sorti en novembre, fait que 8 mois, ben j'ai appelé le monde chez Xbox, puis c'est Jerry Godbout qui m'a donné le numéro, il me l'a donné, des geeks sont parmi nous, des geeks sont parmi nous, mais il me l'a donné il y a 2-3 mois, puis j'ai finalement appelé, parce que le problème, c'est que quand je réussissais, parce qu'après, comme des fois 40 shots, le CD fonctionnait. Fait que si je le laissais dedans après, il était tout le temps comme bien embarqué puis il fonctionnait. T'es en train de me dire que les 40 shots d'essai... Je l'ai fait, là, et souvent. La procrastination battait le fait de genre oui, ma console se faire réparer puis je m'essayais dedans. Ouais, marche. Parce que je me fiais à mon expérience de ma 360 puis je me voyais sans console pendant 3 semaines. Ouais. C'est normal, ouais. Fait que là, c'était rough, parce que j'avais tout le temps des nouveaux jeux, tu sais, pour m'en rendre compte, tu sais, genre que le problème, il était là et persistant. Le pis E3. Plein d'affaires. Mais moi, le cave, j'ai appelé juste avant le E3. Fait que justement, j'ai appelé la fille, tout va super bien, elle prend mon compte, toutes les informations, elle dit, gars, t'as deux options. Elle dit, soit que tu nous ships ta console, quand elle arrive, ben nous autres, on t'en renvoie une autre, puis ça prend 15 à 20 jours. Là, j'ai fait comme, ah, OK. C'est ça je m'attendais, tu sais, puis je m'étais fait à l'idée pour appeler, là, ça faisait un bout que je me mindais, là. Ça faisait 41 jours que tu te préparais. Pas mal, là, tu sais, c'était ça, là, c'est con, mais c'est ça, pareil. Fait que là, l'autre possibilité que la fille, elle me dit, soit ça, ou on t'en envoie une directement. Là, direct quand je raccroche avec toi, je t'en envoie une, mais... Faut qu'on freeze 500$ sur ta carte, le prix de la console. Comme assurance. Puis dès que toi, t'en reçois, tu prends la même boîte, puis tu mets ta vieille console dedans, puis tu nous le ship, puis on défreeze l'argent. Moi, j'ai une question là-dessus. Puis ça prend 5 jours, qu'elle m'a dit. OK. La seule question que j'ai, il te freeze 500$ sur ta carte de crédit. Toi, quand t'as ouvert la boîte, y avait-tu une boîte, une Kinect, une manette, des fils de branchement? Un Xbox ou t'avais juste un Xbox tout nu dans la boîte? C'est un Xbox tout nu, mais ils disent très attentivement de juste shipper ta Xbox tout nu aussi. Mais ça vaut pas 500$, juste un Xbox, ça vaut 230, 215. Mm-hmm. T'as pas la manette, t'as pas la Kinect, t'as pas ci, ça, je suis d'accord avec toi en quelque part, mais... C'est gars, un peu c'est... weird, me semble. Peut-être, je sais pas. C'est peut-être avec les taxes, une garantie. Fouille-moi, c'est quoi? Ils sont quand même en train de payer le shipping aussi, là, pis tout. Là. Peut-être que... Peut-être toi, tu sais, ils chippent une Xbox gratis là, quand tu y penses. Là, fait que tu l'as perdu combien de temps? Je l'ai perdu 3 jours. Wow! La fille, elle m'a dit 15 à 20 jours, puis moi, ben, j'ai envoyé ma Xbox, parce qu'il fallait que tu le chippes en plus en Ontario, là. C'était pas super loin, tu sais. Ouais. Fait que eux autres, dès que j'ai raccroché, la fille m'a envoyé un email avec toute l'information, le shipping bill, toute prête. Moi, une couple de jours plus tard, j'ai mis préparé une boîte, j'ai mis ça dedans. J'étais allé porter ça par UPS, il était midi. Le problème, c'est que c'était le jour du E3 qui commençait. Fait que, j'étais allé apporter, puis j'étais arrivé chez nous, puis je commence à écouter le E3, puis je fais juste comme, non, pourquoi que j'ai fait ça? J'avais juste le goût de l'écouter sur ma Xbox. Mais c'est pas grave. Puis, 3 jours après, je l'ai envoyé le lundi, le jeudi à 11h du matin. Le gars du PS, il cogne à ma porte, puis il me drop ça. Il me regarde gros smile, il me donne ma Xbox, puis j'étais comme flabbergasté. 3 jours. Je m'attendais à 20 jours et plus. Tu sais, je m'étais mandé pour avoir ma Xbox avant juillet. Mais qu'est-ce que t'aurais fait comme jeu vidéo entre-temps, Milter? Est-ce que t'aurais pu survivre? Mario Kart 8. La fille, elle m'a demandé la même affaire au téléphone quand elle dit, tu sais, il était super gentil, puis elle était super gentille et courtoise, tu sais. Elle me dit, puis belle fin de semaine, qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine, là, même si t'as pas d'Xbox? Bon, je joue à Mario Kart 8 avec mes enfants. Fait comme, ah, cool. Puis ce qui est triste, c'est que quand elle a posé ça, il y avait comme une liste de questions à poser sur son écran. Puis elle a fait, alors, insert name here. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine? Insert name here. Peut-être c'est Mélanie, la fille, une place à Seattle super gentille, là, puis elle est super là pour aider. Ouais. Peut-être. Non, mais ça a super bien allé. Puis tu sais, je pense qu'elle s'attendait à avoir de la marde aussi. Parce mais je suis sûr qu'elle en mange chaque jour. Jour, mais elle me dit comment ça va, tu sais, avec ça. Puis si tu passes une belle journée pareille, ben ouais. T'sais, moi comme je dis, ça fait 6 mois là, qu'elle chie. Je suis habitué. Là. Je suis habitué qu'elle marche pas. C'est pas. Non, c'est comme. Puis là, j'ai Mario Kart 8 que j'ai acheté. Fait que, guess what. Je pouvais passer mon temps, mais là, 3 jours après, okay, bang, je capotais. Compte tenu de toute cette histoire-là, sur 1 à 10, Mario Kart 8. 9. C'est bon. Ouais. Fait que c'était le meilleur review 11. De Mario Kart 8 de toute l'histoire d'un match à chaque fois. On donne 11. Pas des chiffres d'habitude. Mais non, mais Mario Kart, on donne un 11 parce qu'il y a toujours un nouveau. On fait ce qu'on veut. Non, mais sais-tu pourquoi je donne pas un 11, la seule raison? Mais je veux quoi? Mais je vais avoir un contre-argument. À cause du mode battle qui était exactement. Il est à chier. Mais dis ça au kid de 5 ans qui vient de jouer à son premier Mario Kart. Il y en a toujours un nouveau kid de 5 ans. Il n'aime pas le mode battle, mon kid de 4 ans. Et voilà. Il catch pas, il fait c'est de la merde, pas les autres t-shirts qui étaient mieux, même si j'ai jamais vécu cette époque-là. Mais le vidéo de Reggie qui explique pourquoi le mode battle est bien meilleur est écœurant, tu sais. Parce que Dieu sait que Reggie, ça fait le mode, c'est de faire des vidéos, là. C'est ça, personne n'aime ça. En fait, il n'y a pas de vidéo, c'est juste que c'est à chier. Okay. J'essaie de... C'est comme quand il parle de Twitch, c'est parce que c'est pas le fun. Non, c'est ça, parce que des gens aiment Twitch, pas ça c'est pas regarder. Le fun, tout le monde diffuse dessus, mais c'est pas le fun, Twitch, selon Nintendo. En tout cas, gang de mais tout ça aussi pour dire que j'avais très hâte de revoir ma Xbox juste pour acheter Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Hyper Remix Edition, non, Arcade Alpha Hyper Edition 2X20. Arcade Remix Hyper Alpha EX, EX plus Alpha. En tout cas, ça, là. C'est un jeu-là. Mais le pire, c'est que ça... Je l'ai acheté de quand que j'ai tout réinstallé ma Xbox. J'ai eu une grosse pensée pour toi quand tu l'as vu là-bas. Ce jeu-là, j'ai fait « Wow! » Oh, hey, on va arriver à ça tantôt, là. Ouais, on s'en va pas là tout de suite. En passant, j'ai déjà toutes mes achievements. Après 20 heures, j'avais toutes mes achievements de l'expansion. Le pire, c'est quoi? T'as l'air relax, t'as l'air détendu. Ouais, ben j'étais un peu déçu d'avoir fini rapidement... 20 c'est heures plein. Quand même, c'est pas pire. Ouais, mais 20 heures, je parle, je l'ai acheté, j'ai dormi, j'ai fait la souper, j'ai passé du temps avec ma femme, puis le lendemain, j'ai 20 heures de j'ai pas 20 heures de jeu. Non, j'ai mis 4 heures dessus. OK. De jeu. Oh, tant que ça? Ouais. Ça, c'est un peu décevant, par exemple. Ouais. Mais tu sais, c'est loin de... Mais ça serait fait, c'est les tableaux, je me sens peut-être plus de costume. Mais c'est du arcade. Tu choisis ton character, dans le fond, c'est pas un costume, c'est t'es genre Ryu, puis t'as 3 moves, parce que chaque piton égale un move. Si je peux dire, toi dire que tu finis ce jeu-là, c'est comme moi, en 1992, dire j'ai fini Final Fight. Est-ce que je continue de jouer, même si le jeu m'a coûté 70$? Final Fight était plus tough. Mais quand tu le finissais, tu faisais le tour en crise, là, je veux dire. Ouais, j'avoue. Puis anyways, on n'est pas rendu là. Je suis en train de... Puis toi, Eric, cette semaine? Je sais pas, plein de choses. L'affaire que je joue beaucoup de ces temps-ci, c'est WildStar, le meilleur MMO qui a jamais été fait dans l'histoire, même plus que Elder Scrolls, c'est drôle. Mais c'était vraiment... Je m'amuse au bout. Sérieux, là. Meilleur que WoW? En fait, sais-tu quoi? J'ai actuellement sauté mon WoW. J'ai coupé. Je vais jouer quand l'expansion va venir. Mais tout de suite, là, WildStar, je me suis embarqué dessus. C'est vraiment, vraiment, vraiment fun. Y a-t-il encore des queues de 120 heures pour jouer? Ça finit, ça. C'était vraiment une expérience intéressante. Parce que dans toutes les MMO que j'ai joué de ma vie, il y avait toujours comme... t'embarquais ces serveurs, mais ça jouait mal. Mais pour WildStar, il y avait figuré que quand t'embarques sur le serveur, ça marche bien. Mais ils ont fait ça en gérant la quantité de monde qui embarquait ces serveurs de manière très sévère. Puis si t'allais pas ces serveurs qui étaient vides, mais t'allais sur les serveurs que comme ils ont ouvert 4-5 serveurs, mais c'était très populaire très vite. Fait que tu peux pas être ces serveurs que tu voulais, fait que t'attendais longtemps. Fait que tu peux pas jouer avec tes amis, fait. Ils te forçaient à aller c'est faire ça, d'autres ça, amis. Ça a cassé bien des beats là, de gens qui ont joué, qui voulaient jouer ensemble, mais qui ont pas pu jouer ensemble parce qu'ils embarquaient pas sur les serveurs. Moi, j'ai été persistant. Je suis sur un serveur, le serveur Pergo, qui était un des premiers serveurs de PVP. Puis j'ai persévéré, j'ai juste pas bad trippé pendant la première semaine ou deux. Je jouais pas tant que ça. Mais pour monter de niveau, là, je joue beaucoup, je fais du PVP, j'ai ma maison, il y a du beau in-house, c'est vraiment cool. Mais à part Wildstar, je voulais juste tripper un petit peu avec vous autres sur le fait de comment est-ce que les téléphones sont hot pendant des événements comme le E3 ou comme la Coupe du Monde, par exemple. J'ai commencé à remarquer que c'est cool, ça. Tu sais, t'es à job, je veux dire, je travaille bien, puis pas cool, je suis bon à ma job. Productif. Mais... ben tout le monde, je sais pas comment est-ce que ça se gère, ça c'est peut-être tout un autre show en particulier qu'on pourrait peut-être parler de, mais j'aime le fait que je suis capable d'avoir des updates sur des événements, sur des sports, puis même à regarder pendant ma pause de dîner, ouais. À regarder un match en direct de dessus mes mains, ou quand je suis pas au E3 puis je suis pris à travailler, ben j'ai des updates régulièrement, j'ai des streams d'amis qui me parlent. La connexion comme ça, je trouve ça cool. Je sais pas si t'es un gars de mon âge. Il faut un bon âge. Wi-Fi là, pour regarder. Ouais, mais ta Wi-Fi, game réseau cellulaire, je le fais à travers du réseau. Là. Je veux pas la dire job, là, qu'est-ce que je fais, mais ouais. À job, on a un produit comme ça où que c'est directement d'une compagnie en particulier. Ben ouais, non, je puis sais. C'est un assez beau stream. Là. Je vois les games de soccer, je voyais les games de hockey pendant les séries. Puis le E3, j'ai tout checké ça en direct quand je pouvais pendant mes pauses, des choses ouais. Comme ça. On est rendu au téléphone cellulaire que je voulais avoir quand j'étais TQ. Mais en fait, je suis même pas sûr que je m'en attendais à moi. On dirait que je l'ai pas vu venir. Moi, j'ai tout le temps voulu écouter la télévision sur mon téléphone ou écouter des films. Moi aussi. Le premier PSP main. Que j'ai eu, je pouvais mettre des films dessus. J'étais comme « wow ouais. ». Puis là, à cette heure, c'est comme « hey, j'ai YouTube sur mon téléphone cellulaire ». Puis je dis ça, puis t'as un gars de 7 ans à côté de puis, moi qui m'a regardé. Puis tu y vas moins que... Vieux, puis, tu l'as à portée de main, puis tu t'en sers moins que quand ça a commencé, puis que tu l'avais seulement sur l'ordi. J'ai remarqué que j'ai quand même des binges à la maison, où que, avec Xbox, puis tout ça, depuis que j'ai YouTube, sa télé. Ouais. Parce que, je veux dire, je vais arriver à la maison après une longue journée, là, je pars YouTube, là, puis 1h30 vient de passer, puis je me suis mis à jour avec plein de choses écœurantes. Là, j'ai remarqué, c'est un peu dans la même veine, les cellulaires, là, tu sais, c'est comme, j'ai ma TV puis mon ordi à 6 pieds de mon lit. Mais si je pars Crunchyroll puis j'écoute mes animés, il faut que je me lève pour aller peser sa souris ou sur le clavier faire pause ouais, play ouais. Puis fermer l'écran puis t'inquiète. Fait qu'à Star, c'est comme ah, fuck it. Puis je l'écoute sur l'app, sur mon téléphone, sur mon iPad dans le lit. Puis tu sais, j'ai la grosse TV à côté. Puis tu peux pas projeter ton iPad, genre, sur. J'ai besoin d'Apple TV. La TV. Ben non, mais t'as une application que j'ai téléchargée, c'est Air Server ou quelque chose dans le ouais. Même. Ça marche semi bien. Il y a certaines applications je peux streamer, mais il y en a d'autres ça marche pas. Mais c'est vraiment, tu peux mettre du AirPlay Mirroring puis tu plaques sur un PC. C'est Air Server si je me souviens bien. Ça me dit sauf pas. Ça marche mais, avec les FFD Show. Mais j'ai une question vraiment weird là. Ouais. Quand tu streames ton country roll, ça ton country Crunchy roll. Crunchyroll country. C'est pas du country crock là. C'est comme ça goûte comme le bar, mais c'est pas du bar. Mais tu regardes ça sur ta télé ou sur ton moniteur d'ordinateur? Ben en fait, ma télé et mon moniteur d'ordinateur. OK, mais quand tu regardes ta télé, t'as pas de remote pour fermer ta télé. Ouais. Je veux dire, c'est pas du 2015, ça. Là. C'est... Ben, j'ai une remote pour fermer ma télé, mais le problème, c'est que... Puis ça, c'est un first world problem. Le port infrarouge de ma télé est tellement bien positionné que le speaker d'ordi est devant. Fait que quand je suis dans mon lit... Puis, non, mais écoute, c'est paresseux, mais d'un autre côté, Chris, j'écoute ça pour m'endormir, tu sais. J'aime comment est-ce que t'as clarifié que c'est world, first world problem mais non, au mais début. Je suis conscient quand même. Mais... C'est parce que tu sais, je dors, puis là, faut que je fasse comme une triple pirouette inversée, puis là, je me contorsionne la tête entre la jambe puis derrière la nuque. Puis là, dans un angle bizarre, la télécommande réussit à pogner l'infrarouge, puis je ferme la télé. Mais rendu là, j'aurais pu me lever comme debout, puis aller fermer l'écran. Je sais pas si Milton partage mon opinion, là, mais moi, maintenant, je fais juste dire Xbox, turn off. Ouais. C'est bien moins de trucs. Ouais. Sauf qu'après, quand tu fais pas ça, je t'avertis tout de suite. Un moment donné, ton illico, il se met à bugger parce que t'oublies de fermer l'illico parce que l'Xbox ferme la TV, mais pas l'illico. Ouais, fait que là, hein. T'appelles Vidéotron pour dire « Mon illico gèle. » Puis là, la fille, elle te donne de la marde parce qu'elle dit « Mais non, c'est normal, tu le fermes jamais. » Puis tu dis « Mais là, je le ferme le soir, d'habitude. » Elle dit « Non, tu le laisses le soir, tu fermes juste la TV. » Puis tu dis « Ben, Chris, me semble je paye sur le piton, puis je le ferme. » Elle dit « Non, je le vois ici que tu le fermes pas. » Fait que tu fais pas les updates. Fait que là, tu te sens de, comme de la malle, puis tu te dis, qu'est-ce que c'est la fille? C'est quoi les updates qu'un hélico a de besoin? Comme je ne sais pas, mais... Quand on était jeune, on avait un câble de cop qui se la grille horaire... Mais ils font dans la nuit. La grille horaire, toutes les pochettes pour le 900, puis les affaires de même. J'ai appris ça récemment, c'est que toutes les updates de la grille horaire, qui sont quand même assez pesantes, apparemment, parce que c'est pas grand mémoire vive, c'est un hélico, là, on s'entend, là. Tu reçois tout ça. Pendant la nuit. Puis le pire, c'est qu'apparemment, quand tu l'éteins jamais, il y a une mémoire cache là-dessus. Tu sais, le fait de pouvoir reculer la télé. Comme Xbox One, en fait. Le même problème du Xbox One. Fait qu'à un moment donné, la mémoire cache est pleine, puis là, ton Xbox, ton hélico. Mais l'Xbox, c'est le même problème. Mais je pense que c'est du first world problem. Moi, il gelait dans le fond à cause de ça. Non, mais quand mon Xbox a un problème ou ma télé a un problème, je vais dans la chambre de bain ou dans la cuisine, j'ouvre la comme je pars le faucet. Faucet. Le robinet, merci, c'est français. Puis, il y a de l'eau qui coule. Fait que quand l'eau coule, je me dis, tout est all good. C'est vrai. C'est vrai. Il n'est pas obligé de marcher 5 km pour un puits. Pour être pire. C'était là que tu t'en allais avec ta joke, hein? C'est là où ce que tu l'as apporté, puis c'est ça que ou je voulais. Ou 1 heure en bicycle. Dépendamment sur où ce que tu vis cette planète, ouais. Ouais, mais ton bicycle, c'est parce que ça dépend. Tu sais, le monde, on te un don sur un site web que j'ai vu à l'annonce à la TV avec les petits blacks en bicycle. Ah, mais le monde vole les pneus pour faire des cordes de guitare aussi. Mais aussi, pour faire attention. Pas pour aller à un segway pour parler de ça, mais mon autre petite histoire aussi, c'était les prix dans le Nord, man. T'as-tu vu ça? Je sais pas si vous avez vu ce viral-là un peu. Les prix dans le Nord. Quand tu travailles au Nunavut ou des choses comme ça, là, tout leur stock est apporté par des avions. Puis il y a un groupe Facebook que j'ai trouvé qui montre des photos de les prix dans des magasins. Fait que tu vois genre comme un kilo de Kraft à comme 45$. Puis c'est qu'est-ce qu'ils payent dans le Nord, man? Ouais, mais eux autres, l'eau, font, là, ouais. Des caisses d'eau là, que nous autres, on a à 2,5$ au Pharmaprix, dépendant de la jour où tu vas. Les autres, c'est comme 35$ pour la caisse d'eau. Le prix du kérosène pour l'avion pour charrier une caisse d'eau. Mais c'est ça que c'est. Hey. Ouais, c'est exactement ça que c'est. Ouais. Là, je te l'accorde. Là, c'est fou quand même. Faire un petit segway avec ça, moi mon actualité, c'est que je suis allé, j'ai voyagé pour la job. T'es allé au sud, voir des plages. Je suis allé en Abitibi. Puis, non, en fait, c'est que j'ai pris l'avion, je m'avais payé des billets d'avion pour mes vacances, puis j'étais allé justement pour couvrir le E3, puis j'étais allé me promener à L.A., puis tout le kit. Puis moi, j'ai eu un choc où, dans le temps, la dernière fois que j'avais voyagé, j'avais acheté des billets d'avion pour Cuba, puis c'était comme tout inclus, puis tout est correct. Puis là, je me prends des billets d'avion sur Expedia, puis là, j'arrive à l'aéroport, puis là, j'arrive pour faire mon check-in, puis ça me dit, tu sais, t'as combien de bagages? Ben, j'ai une valise, puis tout, OK, insère ta carte de crédit. What? Attends un peu, pourquoi tu veux ma carte de crédit? Qu'est-ce qu'il y a? C'était les machines d'avion à l'aéroport? Non, mais en fait, c'est parce que quand t'achètes des billets d'avion sur Expedia, puis écoute, je n'ai parlé à plein de monde autour de moi, puis le monde, il me regardait quasiment comme Chris, t'es-tu demeuré? Tu sais, c'est comme, c'est pas inclus les bagages à Star quand t'achètes un billet d'avion. Non, parce qu'ils savent pas combien tu en as. Puis que tu l'as l'affaire, man. Quand je suis allé à Toronto, il fallait y aller, puis tout rentrer nos affaires, ils te donnent tes collants, tu mets ça pour tes bagages. Non, mais c'est correct, mais quand j'ai acheté mes billets pour Cuba, j'avais une valise d'inclus là-dedans, c'est-tu. Il me semble, tu pars en vacances, t'as une valise d'inclus. Peut-être que tu t'en rendais juste pas compte, mais... Non, mais j'ai pas payé avec une carte de crédit un extra, mais en tout cas, gars, c'était 25$ une valise pour aller, 25$ à revenir. Fait que tu sais, moi, j'étais comme, « Hey, je vais pas gagner mes billets d'avion, telle place, Expedia. » J'économise 100$, puis en réalité, j'ai économisé 50$. Parce que... Incroyable. Tu pourrais acheter Watch Dogs avec ça. Écoute, non sûrement de quelqu'un. Quelqu'un serait prêt à te le vendre à 50$. Moi, je peux te vendre le mien à 50$. Mais le pire, c'est que ça... Moi, il y a une affaire que j'ai pas catché, OK? Puis ça, c'est encore moi, André et Internet, là. Un autre épisode de André et Internet. Hey, c'était mon segway en passant. Amuse-toi. Man, c'est pas amusant. Je pars en voyage et j'amène ma brosse à dents. Non, crème, tout le monde, c'est comme, hey, Watch Dogs, alright, lancement à minuit, t'inquiète. Je reviens du voyage, puis, est-ce que c'est de la merde, Watch Dogs, tabarnak? Non, mais on a eu le temps de jouer. Non, mais on a eu le temps de jouer, il me semble. Moi, je jouais en même temps que tout le monde, puis le monde, comme, ben, c'est cool, man, c'est le fun. Puis là, un moment donné, il y a eu une vague où, ah, c'est à chier. Mais on peut juste dire comment que ça peut changer de cap en même pas 12 heures. Ben, tu te rends compte que c'est de la merde. Non, je veux pas dire que c'est de la merde. On a déjà j'exagère parlé, mais, pour te niaiser. Mais le vrai, c'est Assassin's Creed all over again. Puis on en a déjà parlé. Oh, ouais. Là, c'est, c'est un raisonnement qui fait du sens. Mais moi, m'attendais un argument ou un raisonnement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'avait pas fini. Puis il y a beaucoup de monde qui se disent, à cette heure, je pense, qui disent avant de juger un jeu, puis avant de m'afficher ou de m'exprimer dessus, je vais le finir. Tu trouves, toi, qu'il y a beaucoup de monde qui font ça? Mais non, j'ai été surpris, je dis qu'il y en a plus qu'avant. Okay, ouais, okay. Je suis surpris qu'il y ait des gens qui le finissent puis ils chialent. Il y a beaucoup de monde qui me l'ont... Le beaucoup de monde que j'ai vu... Mais je ne suis même pas sûr que c'est correct, ça. Ben moi, je pense qu'ils ont attendu puis je trouve ça correct parce qu'après, il n'y a plus personne qui peut dire « Ouais, mais tu n'as même pas fini ou quelque chose. » Mais moi, comme je veux dire, je ne veux pas parler contre... je sais pas, on va parler de Plock au Super Nintendo que j'ai vu les critiques spiker ça pendant longtemps, ben pendant 2-3 mois en regardant les IGM quand j'étais kid. Mais quand je l'ai joué, j'étais un peu déçu après le 3-4e monde, mais j'étais pas à la fin du monde. Non, mais on ben, dirait... Parce que t'étais kid, puis... Non, mais parce que j'ai arrêté de jouer. J'ai pas, comme... Mon signe de dire que j'ai pas aimé ce jeu-là, c'était de pas le finir. Mais moi, honnêtement, puis là, on j'ai juste fini, resté puis on chiale. Ça. Après 23 heures parce de jeu, t'es... Comme, non, j'ai resté accroché pour 23 heures, mais sorry, bro, c'est pas toi, non, c'est j'ai pas toi qui l'a payé quand t'étais jeune. T'as pas sorti 70$ de ta poche, tu dis... Non, ben là, tu wow, donnes là, une deuxième you chance. You don't know me. Tu donnes une deuxième chance, pareil. Mais moi, j'ai une théorie là-dessus, par mais exemple. Mais j'ai pas le choix. Moi, je pense que... avec les annonces qu'il y a eu, parce que je veux pas, il y a eu le 3. On est victime du hype. Ben, le hype, justement, ça a fait vraiment que le monde a fait « Hey, j'ai assez, t'as-tu vu les jeux qui s'en viennent? » Oh, Watch Dogs de la merde. Moi, je pense pas que le E3 a affecté. Je pense que le hype d'avant, installé avant, a affecté. Guys, pas c'était Wolfenstein qui était puis Wildstar, vous savez, c'est les deux meilleurs jeux qui ont été faits dans les 3 ans. Eric a eu raison fait là-dessus. moi, je joue encore puis j'aime ça. Mais c'est ça, c'est un peu... J'ai été déconnecté, puis j'ai même pas été déconnecté, là. Tu sais, j'ai utilisé mon téléphone, j'ai publié des affaires pour le collectif, j'ai lu certaines affaires. Mais en une semaine, là, c'est incroyable à quel point que le temps change vite les choses. Puis hey, en une semaine, c'était « Best game in the world », puis après ça, je reviens « C'est de la merde, je vends le mien », puis « Wow ». Des best games in the world, je n'ai pas vu tant que ça. Je n'ai vu une coupe puis je comprenais pas le monde, mais j'ai vu plus de monde déçu par après puis Mais je pense que le monde gère pas leur attente. Puis ça va être un des sujets qu'on va débattre. Moi je le dis là-dessus, j'ai été victime du hype. Puis Mike Frank toi puis c'est peut-être tout puis moi qui ai une différence là-dessus d'attention ou de captivage ou je sais pas comment dire ça là, tu vas catcher ce que je veux dire. Quand tu me disais là, parce que tu sais, j'avais pas fait beaucoup de story au début puis toi tu n'avais fait puis tu me disais attends. Ouais. Tu sais, je pense que je comprends certains petits bouts des betrayals puis des genres de choses que tu t'attends pas puis des nouveaux personnages que tu fais comme oh shit, tu sais, puis des affaires de même que tu fais que toi tu aurais pu me dire comme attends ces bouts là. J'ai pas embarqué tant que ça dans l'histoire. J'ai fait comme OK. Elle m'a backstabé, OK, oui, elle m'a backstabé, OK, il est mort, il s'est fait tirer. Ah, elle, ah. Mais j'étais comme il me semble qu'il il y a un petit quelque chose qui manquait. Puis j'essayais de le pousser là, puis je l'ai fini là, mais je veux félicitations. J'essayais de continuer en me disant il y a sûrement de quoi comme j'attendais le bout André là, que je me le disais, là. J'étais comme le bout qu'André me dit attends, tu vas capoter là. Ah, il y a un bout qui était vendu. Non, mais j'ai aimé ça moi l'histoire. Lui, ça l'a fait comme moi. J'ai pas wow. fini encore, mais j'ai aimé. Moi c'est je cherchais ce bout là, puis un moment donné je me suis rendu compte que j'étais plus loin que lui, fait que j'ai fait comme OK, ça doit être ce bout là qui parlait que fait que t'étais à la recherche à la sans fin l'histoire, de le moment elle m'a twister pas, elle m'a pas j'ai pas hein. Non mais j'ai pas est-ce que moi qu'est-ce que je veux savoir de ce jeu là, puis je l'ai pas joué, j'ai joué à Wolfenstein puis Wildstar, des jeux qui ont quand même mieux fait puis sont meilleurs en passant. Ben oui. Mais Watch Dogs, qu'est-ce que j'ai vu en regardant les gens en parler, je veux dire pourquoi que les gens peuvent pas juste accepter qu'est-ce que c'est pour qu'est-ce que c'est au lieu de chercher à qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était pour être puis le fruit de ça. Les gens cherchent toujours. Ça, c'est stupide là, je veux dire le jeu c'est la première version, puis je suis sûr que quand je vais le jouer après que j'achète une vente weird à 20$ à quelque part, je vais vraiment triper dessus. Mais aussi je veux dire c'est très l'ambition mérite du crédit à quelque part, tu l'as fini là. Ouais, mais l'ambition du jeu que je trouve plate, c'est que c'est une copie plus... Je veux pas dire plus cheap ou moins réussie de chaque élément de d'autres jeux qui ont déjà mieux fait que ça. Un pis ça. C'est juste, ben... On va te sortir Assassin's Creed 6 qui va être moins bon qu'Assassin's Creed 5. Puis je parle pas moins ça, bon ça en tant weird, que story, je parle en tant que gameplay. Tu peux plus sauter. Mais j'espère qu'ils le font, ça. Mais pour... Anyways, je comprends que les gens c'est juste ça un je veux peu, dire. Mais... Ouais, moi c'était juste le temps, c'est juste ça. Moi, c'est comme manque deux jours d'internet, puis c'est comme mais si toi c'est ça que si tu veux dire vie. C'est comme c'est comme l'épisode de South Park quand que c'est qui c'est Kyle qui arrive tout le temps en retard avec le nouveau Chim Pokémon qui arrive avec les cartes puis les autres ils sont comme fuck les cartes on est avec le jeu vidéo puis ils arrivent avec le jeu vidéo ils sont comme dude on est rendu avec les figurines. Mais le pire c'est où je veux en venir avec ça c'est que tu sais c'était l'inverse, c'était que moi je suis parti pour aller vivre mon expérience E3 dans le fond. Puis, tu sais, je reviens, puis je suis comme débossé parce que, ah, c'est quoi, Watch Dogs, c'est rendu pas bon, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, le monde, hey, t'as-tu vu le trailer de telle affaire? Ben, ouais, mais Chris, c'était pas si bon que ça. Puis, là, tu l'as vu là-bas. Je l'ai essayé, puis c'était pas vargeux. Puis, mais là, c'est surfer comme le contre-courant. Tu sais, autant que je reviens, puis je suis à contre-courant de tout. C'est comme, moi, je trippe encore Watch Dogs, puis j'ai hâte de continuer la game, puis le monde, ah, c'est de la merde. Ouais, mais tu l'as essayé, exemple, là-bas, fait que c'est sûr que ben, toi, t'as eu un hands-on experience, tandis que nous autres, on se fait montrer ce que les autres veulent nous montrer. Ben, c'est ça, puis c'est du contre-hype, puis c'est là que je me suis rendu compte, puis on a une chance de le faire, notre épisode recap du E3, après tous les autres médias conventionnels. Fait que la poussière est tombée. Contre-hype. Parce que j'ai essayé, autant que bien que de mal, de donner du contenu en direct. Puis finalement, je pouvais uploader des photos puis j'étais content, mais... On est là pour entendre justement ton vomi de hype du E3, André. C'est pas un vomi de hype, que t'as gardé en dedans de toi. Il y a une affaire que je veux clarifier immédiatement, c'est que, premièrement, quelle sorte de calice d'idée de crétin que j'avais là dans ma tête de dire « Moi, tout seul, je pars, m'aller couvrir l'E3! » Mais c'est drôle parce que j'entends des train wrecks de grosses organisations depuis des années essayer de couvrir l'E3. Non, mais il y a des train wrecks. Eux autres, ils ont de la misère, ils sont des équipes de 15 des fois. Mais non, mais tu sais, moi, je me suis dit « On va faire ça plus petite envergure. » Ok, premièrement, on va partir là-bas. Tu sais, je m'en vais là-bas, je vais mettre mes photos en ligne. On va faire un Google Hangout. Premièrement, fuck Google Hangout. Ah t'sais. Oui. Ça, on a juste c'est dégueulasse. On est revenu sur Twitch. Puis, gars, Google surtout Hangout. Surtout appartenu par Google. Oui, ben non. Surtout, encore, surtout mais... l'app Google Hangout, mais, je dois dire. Regarde, premièrement, tu sais, je me suis dit, on va faire un Google Hangout. Pas capable. Cours d'un bord puis de l'autre. Il y a tellement de stock. Ça arrive de n'importe quoi. T'as tout le temps quelque chose. Parce que, c'est sûr, je suis allé pour des vacances, mais je suis allé pour ma vie professionnelle un peu en même temps aussi. Donc, concilier tout ça ensemble. Ça marche pas bien, ben. Je suis revenu avec des cernes en dessous des yeux, puis un jet lag de la mort après un vol de Red Eye un jeudi soir. Est-ce que je regrette mon expérience? Non. Est-ce que j'ai appris? Certainement. Premièrement, regarde, couvrir un événement de cette envergure-là tout seul, c'est du suicide. Ça n'a pas de sens. Mais je suis en train de nous dire. Là. C'est sûr que je vais avoir du stock. C'est ça qui peut pas tout faire. C'est intemporel ton expérience à quelque part. Ça n'a pas été rapporté en direct, minute par minute. Mais tu peux la compter, là. Mais on va la compter aussi, mais... Premièrement, on va parler du E3 selon toutes les perspectives. Oui. Je veux pas que ça soit juste édition un épisode. Édition spéciale du Geek Collective de 3 heures. On était là-bas, t'inquiète, mais on va prendre le temps qu'il faut. Puis on va faire un épisode qui a de l'allure pour parler vraiment de qu'est-ce qu'on a vécu chacun de notre côté, c'est quoi nos trips, c'est quoi nos déceptions, les choses comme ça. Mais je voulais juste m'excuser au public parce qu'on a c'est vraiment fait des grosses promesses. On s'est dit, hey, des ben... Google Hangouts en direct, des vidéos, des affaires de même. Puis j'ai coupé un bout du dernier épisode à la fin où je parlais du E3 justement parce que l'épisode est sorti après que je sois revenu. Premier indicateur de performance que ton expérience E3 puis ta couverture, t'es dans le jus. T'as même pas le temps de finir ton autre fucking épisode de podcast avant de partir à aller. Mais André, c'est comme tu dis que t'as une autre vie, là. Ben, c'est un peu ça, c'était le bordel. Le bling-bling du podcasting, ça te permet pas d'avoir tout le temps au monde? Écoute, premièrement, le bling-bling du podcasting, est-ce que je me suis acheté une Porsche? Oui. Est-ce que j'ai payé un condo dans le sud? Oui. Mais à part ça, j'ai plus d'argent de podcasting à dépenser. Écoute, comment tu veux que je survive à 3000$ par mois? Moi, tout ce que je sais, là, c'est qu'on a quelqu'un qui est allé, puis on va pouvoir entendre des bonnes histoires, puis on va pouvoir en jaser un peu un bout de temps par des gens qui trippent là-dessus. Fait que c'est le contenu qui compte, là, que ce soit deux jours après, ou sur la seconde près, ou deux semaines plus tard. On s'en gris, mais notre public me tient à cœur. Fait que je voulais vous envoyer mes plus sincères excuses. Moi, je trouve que t'as donné quand même bien du feed, là, parce que je lisais notre page. Shit got real, Andy. Notre page, puis en tout cas, il y avait bien des affaires. Il y avait des photos, au moins. Fait que vous avez questions, puis ça gardait l'entertaining. Ah, j'ai essayé, mais... C'est du do-des, là. On l'a, on va le faire, on l'a le contenu, là. Fait qu'on start ça. Le premier point de l'ordre du jour, premièrement, deux petites secondes, je voulais qu'on fasse un survol de l'événement, l'historique, le 3, les choses comme ça. Eric, toi, le 3, Parce que toi, c'est une encyclopédie de jeux vidéo. Ouais, parce que ça n'existe pas une encyclopédie humaine. Ouais, mais t'as toujours le don. J'ai le feeling, mais j'ai pas tout le temps les bons détails. Mais let's go. Moi, je veux savoir, selon toi, là, la première édition du E3. Pour moi. Ça débute depuis quand? Non, mais tu parles de pour moi ou. En fait, depuis quand, tout simplement? C'est quand la première année du E3? J'en ai aucune idée. Milter, essaye-toi. 96. T'es très proche, Milter. Non, c'est pas. Il a dit 96, mais moi, ouais. Je dirais 91, 92. En fait, Milter était plus proche. Ouais. 95. Sauf dans les règles du Price is Right, Milter, il débuzz. Puis c'est 94. C'est 95, hein? Non, 95. En fait. Depuis 1995, le E3 existe. Le E3 voulant dire Electronic Entertainment Expo. C'est E-Expo, ouais, E3. Ça, je sais qu'est-ce que c'est, je ne me rappelle juste pas de l'année. Mais toi, tu le sais, mais les gens qui nous écoutent, okay, peut-être qu'ils ne savent pas. Je connaissais pas l'année, quand même. Puis peut-être qu'ils connaissaient pas l'année. En fait, moi non plus, je connaissais pas l'année. J'ai entendu des rumeurs, des parties de E3 et des choses comme ça. Tout le monde, en fait, ça c'est une des choses. Quand tu jases au monde du E3 qui ont été au E3, tout le monde a une histoire de E3. Mais ce qui est drôle, c'est que depuis 1995, dans le fond, il y a cet événement-là qui. Mais il y avait toujours des expos de ce genre-là. Comme, il y avait sûrement des conférences, des expos dans les années 80, 70 qui avaient l'électronique comme. Sujet principal. C'était c'est des juste, science fairs. C'est juste pas couvert par des magazines, des choses comme ça. Mais en fait, la première grosse différence... Ou à l'envergure que ça l'est. Là. La première grosse différence du E3 des autres événements comme Gamescom puis des choses comme ça, c'est que E3 est le premier show orienté exclusivement envers l'industrie. Donc, ce n'est pas un événement qui est ouvert au public. C'est ça un événement qui l'est malgré soi-même, genre. Oui, par la bande, mais c'est un vendor gros. Show qui appelle en anglais, dans le fond. C'est un show qui est exclusivement pour les détaillants, les grossistes, les fournisseurs, les médias, pour parler du produit. Donc, le E3 est devenu un peu une genre de licorne. C'est un peu la mecca des jeux vidéo où tout le monde voit ça. Puis moi, je sais pas pour vous autres, mais quand j'ai grandi, puis la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai fait « Hey, c'est big, c'est à LA. Faut que j'aille là au moins une fois dans ma vie. » Je me rappelle lire dans un magazine un mois après. Ouais, moi, c'est sûr, je m'en ai dit. Moi, c'était Nintendo Power, je voyais des photos. Les Nintendo Power, les IGN, les Next Generation que je suivais quand j'étais kid. C'était quoi dans le jeu, les revues Game Pro? Game Bro. Je voyais des affaires. Game Pro? Game Pro. Ah, c'est vrai, Game Pro. Toutes tes revues. Ah oui, il y avait des genres de cotes avec le visage du gars excité. Là, il était soit comme malade ou triste quand c'était poche. Puis là, il était bien excité puis blasté. Oh, quand ouais. Le jeu il y a comme. Tu n'entendais parler un mois en retard. Puis... C'est un événement qui va accueillir en moyenne entre 40 et 50 000 personnes. On parle c'est de 48 200 personnes. Combien d'acheteurs en 2013? Les acheteurs, ça va dépendre. Je n'ai pas les statistiques par sous-catégorie. Ton gut feeling. Mais écoute, je peux même pas me prononcer honnêtement. C'est comme un car show dans le fond. Là. Je veux dire, il y a plein de monde qui allait voir les beaux chars, mais il y a du gros business puis du shit qui se passe dans des restos puis dans des salles de conférences privées. C'est orienté business en fait parce que c'est un show qui est fait exprès pour les vendeurs et les médias. Donc les gens qui vont là, il y en a des tripeux de produits comme moi, je travaille là-dedans, ouais. Mais je trippe encore sur des produits, puis t'essayes des jeux, tu joues à des choses, puis c'est le fun, mais tout est orienté pour vendre, créer de l'engouement, générer des précommandes, puis faire des spéculations des commandes à ce moment-là. Fait que le E3 de l'extérieur et de l'intérieur, c'est là qu'il y a deux visions un peu différentes, puis ça clash, puis c'est là qu'il faut comprendre c'est quoi cet événement-là aussi, parce que le E3... On entend tant parler, moi je vous donne l'exemple, G4 faisait de la couverture là-bas. Live. Live en direct. Cette année, c'était Twitch qui ont fait un job écœurant. Ben, moi, non, pas d'animation, par exemple. L'animation n'était pas bonne. Ouais, mais moi, j'ai pas aimé. Je suis sûr qu'il y a du vraiment. C'est leur première année, par contre. Oh, mais moi, le problème, c'est que c'était tous des nobody de streamers qui ont pas de mais charisme. Mais non, vraiment, des streamers, c'est plus du nobody. Là. C'est non, big, mais je parle. Là. C'est les prochains millionnaires de l'Internet. Mais comme je vous dis. Un gars, je connaissais pareil là-dedans. Première année, par exemple. Puis côté première année, ils ont diffusé toutes les conférences en direct avec une qualité incroyable. Mais Spike aussi. Spike. Avec Game Trailers, Jeff Keighley. Mais Frank Tour, c'était la même. Même mood cette affaire sur Spike. Là. Ouais, sauf Spike, t'as 46 millions d'annonces. Mais t'as Jeff Keighley qui legitimise ça à chaque fois en temps, d'après moi. En passant, t'as des pubs sur Twitch. Ouais, je peux t'en mettre direct là. Si c'est moins agressant que Spike, je trouve. C'est plus c'était moins male-oriented, parce que j'avoue, c'est une pub de shampoing qui passe sans arrêt sur Twitch ces temps-ci. Mais pour côté pub, c'est la même affaire. Le footage des conférences, je pense que c'est la même affaire. Ben, ça, ils s'approvisionnent dans la même source. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je me dis, c'est sûrement les caméras de la salle déjà installées. Fait que, tu sais, c'est comme pong le feed, puis l'objet dans l'ordi, puis... Ce que j'ai aimé, par exemple, c'est que, tu sais, Spike, j'ai pas vu de kiosque Spike. Ouais. Mais j'aime mieux beaucoup Twitch dans le sens. Ben c'est ça, c'est très orienté gamer par des gamers. C'est ça, c'était sur le site. Il y avait un beau kiosque où ils faisaient des entrevues, on pouvait voir des trucs comme ça. Mais j'aime le concept destination, c'est comme unique. Ouais. C'est tout est là. T'écoutes sur Twitch, tu vois sur Twitch, tu peux jaser avec le monde dans le chat en même temps pendant qu'ils spam comme ça se peut. Ce que j'aime pas de Twitch versus le Spike donnait une impression au grand public que finalement on accède à d'autres choses que l'Internet. Twitch, ouais. T'as pas le choix de regarder sur Internet. C'est ton iPad qui marche mal, l'application, c'est ton iPhone qui marche encore pire. Sur un ordi, good luck si ça gèle pas des fois, tu sais, la télé reste un grand public en ce moment, je veux dire là, c'est que quand ça va être la TV puis que ta ma tante peut regarder un gala comme elle regarde le gala de la disque, c'est pas avant que ça soit sur Radio-Canada, tu sais, non mais tu caches ce que je veux dire pareil. Puis Radio-Can pourrait facilement passer un E3 ou quelque chose du genre en français ou tu sais, en tout cas. Je veux juste dire ça de même. Là. J'ai hâte que le 3 soit plus que 3 mais secondes de mentionner sur TVA ou LCN. Malheureusement, ça arrivera probablement pas. Puis je pense qu'on va perdre les médias traditionnels avant. Ouais, je pense que ça va rester sur Internet. Moi, honnêtement, compte tenu que c'est un vendor show, je vais avoir des petites anecdotes à vous conter un peu plus tard là-dessus. Mais compte tenu que c'est un show, tu sais, oui, c'est le fun d'avoir de la couverture et de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais. C'est là que les médias traditionnels, Twitch, Spike, puis tout le monde, ils donnent une connotation au E3 que j'ai trouvé un peu erronée. C'est qu'ils rendent ça comme... Je donne un exemple. Tu regardes le E3, puis moi-même, j'ai été le premier à me prendre là-dedans dans le temps. J'écoutais le E3 à G4, puis je me disais, « Hey, ça, c'est comme la ronde ou Canada's Wonderland. » Tu rentres là-dedans, tu te promènes, il y a plein de kiosques, tu t'en vas faire le line-up, tu joues à des jeux, puis ils donnent l'option. Hey, n'importe qui peut aller au E3, c'est accessible, tu rentres là, tu t'en vas essayer des choses comme ça, puis c'est pas ça l'E3, puis t'arrives là-bas, puis tu l'apprends, puis la première année, c'est rough un peu, mais c'est très féerique et magique pour les gens, mais c'est pas ça l'E3 par exemple. Ouais. L'E3, c'est quoi? On embarque là, on veut savoir c'est quoi qui se passe de toi. Milter, on a tous nos coups de cœur. Ben deviner tout de suite par qu'est-ce qu'il veut dire. C'est quoi? C'est que c'est pas. Tu t'en vas jouer là. C'est t'es un vendeur, ok? Tu peux essayer. C'est pas Arcadia. Prends un rendez-vous, puis tu viendras jouer à 2h dimanche quand ton rendez-vous va venir. T'as 10 minutes, puis on t'a booké, puis that's all. Tu fais ton article, puis c'est des affaires de même, là. Ben, c'est un peu ça, le E3. Arcadia, là, on s'entend, excuse-moi de te couper, mais quand c'était Arcadia, on s'entend que c'était des jeux qui étaient sortis dans les 3 derniers mois. Fait que je me calissais d'aller à Arcadia, me crisser en fil pour jouer un jeu que je pouvais aller louer au Blockbuster. Je sais pas, il y avait un char, je m'appelle Arcadia, tu peux prendre des photos dedans. C'était vraiment bien fait. Je m'en souviens aucunement de ça. Mais tu sais, je pense que c'est un peu ça, c'est que t'arrives au E3, puis c'est plein de monde, puis c'est tout du monde qui ont eu accès. Puis là, mettons, je vous donne un exemple, ok? T'arrives au début, puis là, tout le monde fait le line-up, puis là, tu rentres, puis il y a comme il y a de quoi dans l'air, par exemple, qui c'est dur à décrire. T'es dans le lobby, puis les portes sont pas ouvertes, tout le monde est là, tout le monde est craqué, puis là, tout le monde fait le line-up. Personne se parle, tout le monde tweet, tout le monde Facebook, tout le monde Instagram, puis t'as comme un mélange très éclectique de gens, de genre jeune femme de demi-vingtaine, plantureuse, qui va avec un micro, qui va faire une entrevue, parler d'un jeu, le gars de médias sociaux, pas rapport, qui vient là avec sa cam, t'as des gars en soute, ils ont des meetings, ils vont parler de business, des affaires de même, puis t'as du monde qui ont pas pris de douche depuis 3 semaines, puis sont dans le line-up, puis qui rendent tout le monde mal à l'aise. Mais ça, tu sais, ça, c'est dans le lobby. Puis là, ça, ben, le lundi à midi, ou le mardi, je me souviens plus, là, puis là, excusez-moi, là, c'est un peu un mélange dans ma tête, là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais dans le fond, le lundi, c'est les conférences de... Non, c'est ça, c'est le mardi midi que ça ouvre, parce que le lundi, c'est les conférences de presse. Ouais, il y a toujours c'est Xbox, mais Microsoft le matin, suivi de Electronic Arts, ensuite Ubisoft, ensuite Sony. Fait de ton côté journée. De la médaille... T'arrives lundi, c'est quoi qui se passe? Ben, t'arrives lundi, puis tu cours... Ben, en fait, t'arrives dimanche. Ouais. Si moindrement tu veux pas courir, t'arrives le dimanche. Est-ce que t'es arrivé dimanche, toi? Moi, je suis arrivé le dimanche. Nice. On est arrivé, on a mangé un peu, puis là, tu profites de la journée. C'est sûr que t'allais me promener un peu, regarder la ville, des choses comme ça. Ensuite, tu t'es crevé un peu, puis tu sais que la semaine s'en vient. La première année, en fait, que j'étais allé avec le boulot, tu vas fou, t'es à LA, puis t'es comme ah, Los Angeles, c'est Mongol, puis là tu vas fou, tu passes à la brosse, tu visites des affaires. Tu vas voir les tar pits. Puis rendu le lundi, ouais, tu vas voir les tar pits. Je suis même pas allé en plus, j'aurais dû. Mais t'arrives le lundi, puis là c'est conférence de presse. Puis là tu te dis, pff, conférence de presse, c'est pas grave. Mais là tu t'assis dans la salle. C'est le bout le plus intéressant, tu sais. Puis là, mais t'es assis dans la salle, puis là, hey, là c'est un gros show, puis là ça te parle, puis ça te bombarde, puis c'est des trailers, puis de la grosse musique, puis. Imagine-toi, là, regarde, ton lundi, là, en réalité, là, c'est comme si t'étais dans un show au Centre Bell avec du son mal balancé, puis bien des lumières, puis des effets, mais pendant une journée au complet. Ça s'est-tu amélioré dans les années que t'es allé? Ben, ça s'améliore, mais le son est toujours pourri live dans des amphithéâtres de même, puis t'inquiète. Ouais. Fait que tu passes la journée, tu sors de là, puis t'as mal à la tête. T'as tellement d'affaires que tu t'es fait garocher toute la journée, puis là, tu relis tes notes, puis à un moment donné, tu fais comme « je me comprends même pas moi-même ». Mais tu sais, t'as trippé. Tu te souviens pas nécessairement pourquoi, mais t'as trippé un peu. Mais là, tu sais, t'as passé la journée comme ça, t'as fait les conférences de presse, tu te couches, ou tu vas prendre un drink, puis tu te couches. Là, t'es jet-lagged, parce que t'as le décalage horaire. Parce que là, présentement, tu vois, on enregistre un podcast, il est 9h49, ben là-bas, il serait 6h49. Ouais. Fait que tu sais, il te manque 3 heures dans ta journée, puis honnêtement, tu cours après toute la semaine, puis t'y retrouves jamais, là. Puis quand tu reviens à Montréal, ben, il t'en manque un autre 3, puis tu sais même pas où c'est rendu. Mais, fait que tu finis la première journée, conférence de presse, puis là, t'arrives le mardi matin, puis là, t'as semi-dormi, puis là, ben, t'as Nintendo. Puis là, Nintendo... Mais eux autres, c'est pas live. En fait, Nintendo, c'est live, mais ce qu'ils ont décidé de faire, puis ce qui était bien, mais ce qui est un peu poche aussi, c'est que, puis je vous explique pourquoi, c'est que Nintendo, ils font... des Nintendo Direct maintenant. Avant, c'était, t'avais le gros show Nokia Theater, puis c'était le show de Nintendo, puis c'était live, puis c'était publié. Maintenant, ils vont faire un Nintendo Direct. Puis, pour les gens qui travaillent dans le domaine, ben, tu vas avoir le Retailer Experience de Nintendo. Donc, t'arrives là, puis c'est une conférence pour les détaillants, avec de l'information de détaillants, des choses comme plus ça. Plus de l'info de vente que... Ben, t'as de l'info de vente, mais t'as la même info que t'as dans le Nintendo Direct, la seule affaire qui est plate. OK, je vous donne un exemple. De mon côté, je recevais de l'information en décalage du Nintendo Direct. Puis moi, je m'occupais des médias sociaux pour le collectif. Fait que tu sais, je regardais les médias sociaux en même temps. Puis là, mettons, Nintendo annonce Star Fox. Puis moi, je n'ai même pas eu Star Fox. Il me parlait d'Amiibo pendant ce temps-là. OK, ouais. Fait que là, c'est comme, OK, bon, ben, il y a un Star Fox qui s'en vient. Mais là, il me parle d'Amiibo plus longtemps. Puis je fais comme, non, moi, je veux Star Fox. Je veux savoir, je n'ai pas vu le trailer. Puis là, ils finissent, puis ils te parlent d'une autre affaire. Mais là, tu sais, c'est comme je me faisais spoiler par mon feed de Twitter. Avant. Puis je voyais du stock. Puis moi, il me parlait de pourcentage de vente des affaires de même. Fait que c'est génial. Pour l'industrie, j'ai eu de l'information incroyable là-dedans. Mais. Fait qu'Amiibo, ils vont en vendre combien de pourcentage sur les jeux versus combien de monde qui vont pas l'acheter? Tu sais, comme Smash Bros. Là. C'est quoi le pourcentage? Des parents comme Zo qui achètent des Skylanders. Mais pas de faux. Moi, on n'embarquera pas dans cette gamique-là. Mais grosso modo, c'est ça. C'est que t'as une conférence. Pour les détaillants, puis t'as le Nintendo Direct. Puis là, ça finit. Puis ensuite, à midi, le show ouvre. Puis là, c'est la montagne russe qui commence. Là, t'as tout le temps la première... Puis là, par montagne russe, tu veux dire le show sur le floor. Le show sur le floor. Là, les portes ouvrent, tu rentres dans le Convention Center. C'est gros, OK? Il y a trois gros halls. T'as le South Hall, le West Hall, puis t'as Kensia Hall. Puis, il y a des kiosques incroyables, OK? Regarde, la majorité des gros kiosques, mettons Sony, ça va être à peu près du 20 000 pieds carrés avec deux étages, des salles de meeting de 12 par 12 avec plafond, mur et air climatisé, un écran géant, des salles. C'est big, là. J'avais une professeure quand j'étudiais en design publicitaire, là. Sa job avant d'être professeur, c'était des contrats de design de kiosques pour des compagnies de même. Des kiosques à genre 7-8 millions. Là, ben, c'est des affaires, là. Ça doit être incroyable. Dans le fond, elle était comme architecte quasiment, parce que c'est quasiment une maison, mais qui est un kiosque. Puis de la manière que ça fonctionne, ces kiosques-là, en plus, c'est là que tu vois où c'est très orienté business. Parce que là, en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. De mon point de vue, ce que j'ai vécu. La première année, tu rentres là, tu te dis, OK, là, le plancher, il ouvre. Je m'en vais jouer. Je m'en vais jouer. je m'en vais être ébloui. Tu rentres, t'es ébloui. Puis tu joues un petit peu. Mais en réalité, tu cours. Ouais. Tu cours d'un bord puis de l'autre parce que t'arrives le mardi matin, puis là, ben t'as ta conférence, tu rentres, puis là, pour aller chercher ta badge, ça ouvre à midi. En fait, ça ouvre à 10h. Mais là, à 10h, t'es dans la conférence de Nintendo, t'as pas le temps. Fait que là, rendu à midi, tu vas chercher ta badge. Mais là, t'as un meeting à midi et quart dans l'autre bout. Parce que là, t'as 3 heures, fait que c'est gros. Fait que faut que tu cours. Puis là, ils surveillent tout le monde qui rentre et qui sort. Parce que là, c'est pas tout le monde qui rentre en plus au show. Fait que là, tu te promènes d'un bord puis de l'autre. Puis tu cours. Puis là, t'as un meeting, mettons. Puis là, à telle heure, tu rencontres Activision. À telle heure, tu rencontres IA. Puis là, tu cours d'un bord puis de l'autre. Moi, ça, c'est mon expérience en tant que détaillant. Mais j'ai eu la chance de jaser avec des journalistes. Puis eux autres, c'est la même affaire. Eux autres, six mois avant, ils appellent. Faut là, qu'ils mettons, bookent les entrevues. Salut, IA. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Ok, toi, ça va être mardi entre 12h30 puis 12h45. Ou bien 12h30 puis 1h. Tu t'en viens, t'as ce temps-là, puis là, la personne va te faire faire le tour, puis va répondre à toutes tes questions. Fait que là, tu te promènes partout, puis t'as tous les indépendants qui sont dans les rangées, puis ça, c'est le monde que soit ils ont une période de temps libre, ou soit ils sont pas bookés de rendez-vous. Puis là, eux autres, ils font la queue. Fait que maintenant, je vous donne un exemple, le kiosque de Oculus Rift, qui est un des kiosques qui, selon moi, a eu la plus grosse file d'attente tout le long du E3. Avec raison. Avec raison, beaucoup d'engouement. On pourrait faire un show complet là-dessus. Là. Je sais que j'aime ça dire ça. On va probablement faire un aussi éventuellement. Oculus Rift, là, c'est le futur, man. Mais ils ont eu un line-up. Eux autres, ils ont des un années kiosque. 90. Imagine-toi un kiosque d'environ 7000 pieds carrés, puis il y a une file d'attente tout le tour du kiosque au complet, là, mais en permanence pendant les 3 jours. Correct. Fait que t'as tout le temps du monde qui attend pour aller l'essayer. Puis quand tu l'essayes, c'est pas tu rentres puis salut, on va prendre. C'est assis-toi là, mets le casque. Il y a un peu de swing puis de sueur dans le casque. Ben tough luck, c'est un démon. Essaye-le, joue, t'as 15 minutes, tu l'enlèves. Va parler au gars là-bas, ramasse ton press kit, les donne-le clé USB. Puis là, voici les media assets que t'as là-dessus. Puis des affaires de même. Puis ciao, bye. Puis là, il te pousse dehors. Puis merci, bonsoir, c'est fini. Fait que tu cours d'un bord puis de l'autre. Tu t'enfarges dans le monde, mais. Tu tripes comme un cave, tu souris, c'est grand, c'est beau, puis ça te donne le goût d'acheter n'importe quoi qui est sur le marché. Ouais, c'est sûr. Fait que tu sais, le E3, en réalité. C'est pour ça que c'est pas sur le coup que t'achètes, c'est avec recul. Ben, c'est ça, c'est avec recul. Puis là, toutes les compagnies, là, ils ont le moyen de te vendre ça en disant check, mon beau, t'es gros, on va mettre X nombre de millions en publicité, puis des affaires dans le monde, puis ça gaule, là. Puis, si t'es journaliste, ben, c'est la même affaire, tu sais, puis ça, hey, tel jeu va sortir, puis tu te quittes, puis. Ils donnent des goodies en plus. Puis là, tu te promènes, puis ils te pitchent des t-shirts, ils te donnent des affaires, ils te donnent des trucs comme ça. Puis ils veulent t'acheter aussi, puis ils veulent te donner le goût d'acheter. Puis si t'es le journaliste, ils veulent te donner le goût d'en parler. Fait qu'ils vont te faire jouer, c'était quoi tes impressions, puis tu te quittes. C'est souvent la job d'un acheteur de se faire acheter. C'est con. Ouais. Pas de se faire acheter, mais. Gars, moi, quand j'étais vendeur, j'arrivais à mon acheteur de films, puis le gars, il avait au moins 5 nouveaux Blu-ray juste de moi par semaine. Puis son acheteur de musique, il avait sa pile avec une douzaine de CD à toutes les semaines. Puis ça, c'est juste moi. Ben, il y a tous les autres vendeurs. Puis là, t'as les compagnies qui ont leur procédure à ce moment-là de est-ce que l'acheteur les garde ou il est fait distribuer au party de Noël, t'inquiète. Mais tu sais, le E3, c'est orienté à tout. Tout existe pour piquer un de tes sens, attirer ton attention. Hey, tu te promènes, puis... C'est une exposition, mais c'est incroyable parce que tu marches, puis c'est comme si tu étais sur la strip à Vegas. J'ai jamais été à Vegas, mais tout suscite comme. Mais j'imagine. T'as des odeurs, ça. Des lumières, t'as des gars avec des cartons qui font un rentre-site. Puis partout où tu marches, t'as le goût d'aller tout essayer, puis t'as tout le temps l'impression de passer à côté de quelque chose. J'ai oublié quelque chose, j'ai pas passé de temps avec ça. C'est ça le E3 dans le fond. C'est carrément ça. C'est tu cours. Puis tu prends des notes, tu cours d'un bord puis de l'autre, tu te le quittes, puis après ça, tu réalises. Puis t'arrives chez vous là, le soir à la chambre d'hôtel, puis t'as la crainte d'avoir oublié raide, quelque chose. Puis... T'es brûlé bien raide, puis le lendemain, ça recommence. Moi, c'est con, mais pour moi, qui est pas là-bas, le E3, c'est une grosse journée du lundi, puis un petit dîner relax le lendemain. Puis le reste de la semaine, c'est smooth. Le reste de la semaine, je vois fuck all, rien, parce que... Tu check côte à côte une fois de temps au en temps. Au pire, je vais voir un nouveau trailer d'un bout que j'ai vu dans la conférence, mais là, je vois le trailer au complet. Bon, c'est juste ça. Là, c'est... Mais le pire, c'est qu'il y a certains reveals, comme des annonces et des trucs comme ça, mais ils vont les faire beaucoup le lundi et le mardi. Là, les grosses surprises, c'est lundi ça. Surtout. Pendant la conférence, souvent de... Exactement. De la console ou quelque chose. Mais là, moi, je veux savoir, je radote depuis tantôt, là, mais... Selon vous, là, on parle de conférence de presse. Mm. Tu sais, c'était quoi votre meilleure conférence de presse à chacun d'entre vous? J'ai commencé Milter, t'as déjà un coup de foudre ou... Je suis en train de me demander si je dis véritablement ma réponse ou bien si je dis celle à André juste pour y voler son scoop et dire que j'ai volé sa réponse. Ben, je suis curieux de savoir les deux. Je vais dire... Bon, non, André. Ta réponse, fucker. Je vais dire Xbox, t'in. Ouais. Puis je sais même pas pourquoi. C'est normal, t'es un ben, fanboy. Ben, je suis un fanboy vendu ouais. Fini. C'est ça. Mais, tu cracherais sur une PlayStation 4, t'accrocherais. Oh, j'aimerais pas savoir ça. Mais non, c'est. Regarde, Nintendo, ils m'ont pas impressionné. Je m'attendais à gros, puis sérieusement. Il y a bien des gens qui disent qu'ils ont quand même plus de surprises qu'ils s'attendaient. Au pire, on en reparlera, genre, chaque compagnie séparée bien vite après, là. Mais Xbox m'ont plus surpris. Putain, on va finir ça, là. Au pire. C'est good. On okay. Dira chaque après, comme il faut, là. faut que je dise moi personnellement je les ai tous aimés, je veux pas trop prendre y a-tu un gagnant un. Selon toi ou c'était tout pareil? Le gagnant pour moi c'est toujours le gamer, la je Ouya. Veux pas être têteux là-dessus là, mais on gagne à chaque E3 ouais. Mais qu'est-ce qui m'a attiré personnellement, j'ai une Xbox One, j'ai des plateformes PlayStation mais je les ai toutes dans le fond. Mais j'ai aimé la présentation de Microsoft. J'ai aimé leur renfort qu'ils ont fait sur le Independent Gaming. Parce que j'ai adoré le fait qu'il fallait qu'ils rappellent que c'est eux qui ont apporté le Indie Gaming aux consoles de maison. Parce qu'on dirait que l'année passée, au E3, on a décidé de payer pause là-dessus. Où ce qu'on voit comme, ah, Microsoft, c'est tout d'un coup le sauveur du Indie Gaming mondial. Mais ça faisait des années que Microsoft avait ça. Suis-tu moi le seul qui avait remarqué ça, là, ou... On avait du indie gaming sur le Xbox 360. Ben ouais, il y en avait beaucoup avant. T'avais Hexic à l'achat de la console. Mais la réputation du Xbox l'année passée, c'était pas qu'il sauvait c'était les indies. C'était la TV. C'était l'inverse. C'est que Sony avait volé le show sur les indies, puis Microsoft avait mis beaucoup de... Non, ils avaient parlé de jeux au E3 l'année passée. Ils ont même pris le temps de prendre un show des mois en avance pour parler de télé. Ouais. Oui, mais. Puis ils voulaient le séparer. Là. Qu'est-ce que Sony a fait cette année? Là? Je peux jouer ce côté-là de la table facilement. Mais ben non, dis... mais Sony, ils ont parlé de télé, ils ont parlé de ben de shit, là, c'était 3 et 7. Ils ont pas parlé de jeux. Un an retard. Fuck la télé, tu parlais d'Independent Gaming. Arrête de changer. Independent Gaming, l'année passée, ouais. Microsoft s'ont tirés dans le pied. Indie Gaming, ils ont montré un jeu, ils ont montré above. Ils ont dit, on n'a pas besoin de montrer plus. Vous savez qu'on a du Indie Gaming, ça fait des années. Puis après, il avait droppé beaucoup de restrictions au niveau du Indie Gaming. Il avait juste pas parlé de ça. Il n'avait pas parlé de leur Indie Gaming. Ils n'ont même pas parlé. Okay. Sony, on dit qu'on est des kings, là, 10 000 pièces, vous avez une console, faites des jeux. Là, mais okay. Microsoft, il n'avait rien dit. Ils ont juste pas pris. On s'entend tout que E3 l'année passée, Microsoft, s'il y avait un gros problème, c'était de leur company line était juste vraiment pas clair. Mais c'est ça, je t'ai dit, c'est que l'année passée, dans leur company line, ce qu'ils ont annoncé. Mais ils ont juste pas parlé de ça. Les gens, ils ont assumé le reste. Surtout quand ça vient au indie gaming, là, je veux dire, s'il y a une console. C'est ce que j'allais dire, dans le fond. Toi, tu dis no information. Hey, Journey, c'est comme... le jeu le plus gros indie sur la planète, là, dans la même building que Sony Computer Entertainment America. Là. Watch out. Excuse. Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que l'année passée, ils ont annoncé qu'ils mettaient des restrictions au niveau des paiements, au niveau de la certification des jeux, au niveau de la qualité, ben, la distribution du contenu, puis des choses comme ouais. Ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont perdu beaucoup du monde du NBA. C'est parce que c'était déjà gratuit. C'est quoi leur affaire qu'ils ont annoncé maintenant, là, le at Microsoft ou at Xbox, là, je sais mais pas c'est leur... ID at Gaming. Ouais, le ID Microsoft. At Gaming, ouais, mais c'est solide. Ils n'ont pas eu le choix cette année de faire un statement, de dire les independents. Je pense pas qu'il y avait besoin de rectifier ça un an passé. Il y avait besoin, en fait, parce mais que il y avait besoin la d'en croyance parler, populaire... Juste, d'accord. C'est ça. D'accord qu'il y avait besoin d'en parler. Mais le fait qu'ils n'en ont pas parlé, tout le monde, ils ont décidé d'assumer qu'ils n'en faisaient pas. Ils ont fait c'est pas la question qu'ils n'en faisaient pas, c'est qu'ils ont effrayé certains développeurs. Ils ont fait la gaffe en pas en parlant, en effrayant du monde à cause qu'ils n'ont pas parlé. Fait que cette année, ils ont juste dit, gars, on va le dire. Tiens, un trailer avec 60 jeux dans votre face. Même si on n'aurait rien, on va juste dire, gars, c'est là, on n'a rien. Mais inquiétez-vous pas, c'est là pareil. Ils ont montré quand même le trailer de Indie Gaming. Ils ont montré assez impressionnant. Une bonne coupe qui ont de l'air très, très bien. Là. Mais je pense que l'Indie Gaming, honnêtement, regarde, c'est en train de prendre premièrement une ça marche très bien sur ma Steam. Ça super bien sur tout. Mais sans troller, puis on va être sérieux pendant 30 c'est secondes. C'est mieux sur là. Le PC? Non, en fait, c'est que c'est juste que ça prend une place importante. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pensait que le consommateur s'en crissait du Independent Gaming. Puis les compagnies ouais. Eux-mêmes se sont rendus compte, fuck, c'est important. Il y a de l'argent à faire là-dedans, je pense, le consommateur dépense mais je beaucoup. Pense que Microsoft avait pas besoin de le rappeler aux gens. l'année passée, puis à cause qu'ils l'ont pas fait, les gens ils ont décidé de faire semblant que c'était pas le cas. Je veux pas être la grosse défense de Microsoft, ouais. Là. Ben, en fait. Mais je vois encore sur le Indie Channel sur Xbox 360 à chaque semaine. Ben, c'est correct. Parce qu'il y a toujours des belles surprises de personnes qui sont en train de faire des jeux dans leur cadre. La réalité des choses, c'est que la majorité des studios indépendants se sont mis à développer pour Sony. Puis ont délaissé. Mais la, c'est quoi qu'on veut dire par studio indépendant? Les startups? Tribute Games. Mais, non, des startups. Mais indépendant, c'est pas le dude qui est dans sa cave en train de faire de quoi avec. Moi, mais être franc, vous autres, je sais même pas aussi que vous êtes en train d'aller avec ça. Genre. Non, mais c'est juste parce que le point des. J'ai envie de super trop défendre Microsoft en disant qu'ils ont. C'est un peu ça. Regarde, Microsoft, c'est aussi simple que ça. C'est que cette année, ils sont bien repris avec leur conférence. Ouais, très bien pris. Mais l'année passée, ils se sont tirés dans le pied en tabarnak. D'accord. Avec un paquet de catégories, dont le indie gaming, qui ont mis beaucoup de restrictions, qui ont annoncé noir sur blanc au niveau de l'approbation des titres et de la distribution. Puis ils ont été obligés de rétracter ces choses-là en faisant un gros show d'Independent Gaming cette année. Je comprends. Puis tout ça pour dire que ma réponse à ta question, je trouve que Sony, avec No Man's Sky, ils ont volé le show. Ouais. Ben, honnêtement, c'était une Christie de bonne conférence. La seule affaire de Sony, moi, que j'ai trouvé longue et inutile. No Man's Sky, c'était écœurant. Il y a eu un bout où. Le télé, les téléséries. Je buvais le Kool-Aid de Sony, là, j'étais dans la conférence, puis je buvais ça, puis j'étais comme, hey, Sony. Puis j'ai pas acheté de console next-gen encore, puis j'ai le goût de PlayStation Now. PlayStation Now, pas tant que ça, mais c'est quand qu'ils ont sorti. Pourquoi pas, tu pourrais jouer ton PS4 sur PlayStation 3. Ça nullifie les consoles en général. Avez-vous essayé le bêta présentement? Les prix sont exorbitants. Mais c'est tout gratuit sur le bêta. Pas sur le bêta, non. Ouais, si t'as le bêta, tu peux jouer tous les jeux gratuitement. Il n'y a pas de prix de parler. Les prix, mais ils ont montré l'idée des rentals, ben, des choses comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Mais j'ai pas raison en disant qu'ils viennent de tuer leur PS4. Flip la Switch, tu joues du PS4 sur une PS3. Tu vas pas me convaincre le contraire, je suis pas calme. Je pense que t'es trop rapide dans tes jugements. Chris, ça fait une semaine puis ils viennent de tuer le PS4. Non, je dis pas. Non, mais ils vont pas annoncer en passant tu peux streamer du PlayStation 4 sur le PlayStation 3. Mais on s'entend-tu que quand ils ont leur PlayStation Now, là, c'est une petite machine là, qui est même pas la même puissance qu'un PS3, puis ils sont en train de streamer du PS3 là-dessus, ils pourraient bien streamer du PS4, n'importe quoi qu'ils veulent. C'est là-dessus. Du cloud gaming, ça va être à eux autres de voir qu'est-ce qu'ils veulent. Puis, anyways, on a vu déjà le modèle d'affaires du streaming que ça chie au bout. Fait qu'imagine-toi si ça vient de Nintendo. Je suis d'accord. Fait que c'est pour ça que finalement, ça marche, je pense, ça regarde, marchera pas. Nintendo ça. Qui ont gagné. Moi... Nintendo, ils ont volé le show, ça finalement. Avec leur Amiibo. Le Amiibo a volé le show. Okay. Ça n'a pas de sens. T'essayes de faire de quoi de sérieux, même. Puis ça trône au bout. Puis ça mais c'est pour ça que je dis, on peut faire chaque chose. Ok, mais ben on a assez fait Microsoft là. Non, mais on peut le faire sérieusement aussi. Puis tu sais, t'es prêt à tout. Puis comme chaque affaire, au moins une affaire qu'on c'est a aimée. C'est sûr qu'on a pas parlé de par... avant le début du recording. Ben peut-être. Techniquement, c'était juste meilleure conférence, mais. Ouais. Eric, tu vas trop en profondeur. Prends ça plus quoi? Sérieusement. Mais c'est ça. Je pense que je le prends tellement sérieusement que ça sonne ridicule. Mais c'est parce que t'es très rapide dans tes propos. Okay, fait que toi, c'était quoi? Moi, j'ai dit finalement que c'était Ubisoft qui ont gagné. Toi, c'était quoi? Moi, c'était Ubi. C'était tout simplement voilà. Ubi. On pense pareil. Moi, honnêtement, regarde. Vous avez aimé Just Dance 18, genre. le jeu de workout m'intéressait, moi, okay. Parce que j'étais une diète weird. Vos astidiales. Si, ouais. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a de la cool. Ouais, très cool. C'est du timing. Là. Il y a plein de gros comme moi qui ont vu ça en pleine diète. Parlant de timing, place. Eric, je vais prendre la parole quelques instants. Merci. Non, la raison pourquoi je parle d'Ubisoft, c'est que... OK, Sony... Je vais partir du début, OK? Microsoft ont fait une conférence de presse que je vais résumer à... Je suis sincèrement désolé pour l'année passée... Voici mes jeux que je vais vous annoncer bientôt. Bon, c'est pas mauvais. D'accord. Puis ça, c'est leur conférence de presse de Microsoft. Ben, 100% c'était d'accord. Correct. Sony ont fait la conférence de presse. On a sacré une volée à Microsoft l'année passée. On va continuer dans la même montée à ce moment-là en faisant juste des jeux. On est fort que nos jeux. Mais où ils ont perdu mon intérêt dans la conférence de presse, c'est quand ils ont fait venir le gars de BD de je sais pas trop quoi. Puis ils ont parlé de leur PlayStation TV. Puis à la limite, parle de ta TV, c'est correct. Mais là, ils font venir un gars. Qui montre des vie. Images de BD qu'il a participé dedans. Il n'y a pas d'image de l'émission. Quasiment aussi inconfortable que James Cameron. C'était malaisant. C'était super malaisant. Puis, elle était longue, la conférence de Sony, maintenant. Puis, moi. 2 heures au total, je pense. Je sais pas pour vous autres, mais nous autres, du point de vue où j'ai été assis, il y a un bout où tout le monde s'en allait se lever. Puis, maintenant, on fait comme ah, pas fini. Ok. Ah, t'es-tu ah, sérieux, ah, c'est arrivé ah, ça? Ah, c'est long, puis ok, ouais. Puis là, quand ils ont parti dans leur PlayStation TV. Puis là, ça, c'est comme une Vita, mec, tu plugues après ta T'as TV. Vu du monde partir. Tu m'intéresses puis... au bout en passant. Je suis dans de checker c'est quoi ça. Mais c'est cool, mais c'est parce que c'est encore trop embryonnaire. Puis ils ont fait la gaffe de Microsoft qu'ils ont fait l'année passée. Pas Dave Perry, par exemple. Ça a fait, tu sais, ils ont parti avec une conférence super solide. Puis à la fin, c'était n'importe quoi. Puis là, maintenant, bang, Uncharted. Fait que tu sais, Sony... On savait ça s'en venait. Ouais, mais c'est ce qu'ils gardent tout le temps ça pour que le monde reste jusqu'au bout. En passant, où est-ce qu'il y a Uncharted Racing? Je t'en crie. C'est dans pas long, c'est... Okay, c'est fait, que c'était, Sony. Après ça, je vais y aller avec Uncharted. Excusez, fallait... J'adore quand il l'a dit, il m'a regardé dans les yeux, il était comme... Aïe. Il était fier de cette joke. Electronic Arts... Blablabla, bla, bla, nouveau Call of Duty, Mirror's Edge que j'ai capoté 2015. Tu l'as vu en action? Je l'ai pas vu. J'ai pas vu en action, j'ai vu exactement ce que vous avez vu. Il y a Oculus Rift. Mirror's Edge 2015, Dragon Age Inquisition, fin de l'année, qui a de l'air malade, ça a l'air cool. Juste sur Xbox One, par exemple. Les jeux de sport. C'est quand tu parles de EA de même que je me rends compte que... Je les aime pas bien, eux autres. Hein. Ben, moi, je les aime. Ben, juste parce que... Non, mais tu sais, pas que je les aime pas, mais tu sais, Call of Duty, Dragon Age. Mais il a parlé de. Battlefield. Call of Duty, c'est ouais, dit aussi Call of Duty. Mais ben, tu l'as dit, ouais. En gros. Ah, ouais. J'ai dit Call of Duty. Oui. Non. Ah, ok. Tu vas le voir. Au pire, je me réditerai par après. Mais. Moi, j'ai hâte d'entendre Battlefield. T'as laissé le montage, je vois qu'il fait pas. Non, mais c'est juste parce que. Cette année, c'était très on travaille là-dessus puis on vous repitche la même affaire. Ouais. C'était très Battlefield Hardline. C'est l'année qui EA puis... sont on the ball là, je veux dire. Ben on the ball, ça dépend. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Ça fait-tu des démos genre comme Battlefield 2 dans le temps, des choses comme ça, c'était épique à voir ça là, dans leur E3. Je veux dire, E3 ils ont toujours fait une bonne présentation, mais j'ai remarqué que les shows de publisher, ils ont un peu plus d'ampleur avant, c'est comme avant t'avais Sony, Nintendo, Microsoft, il y avait leur conférence. Ouais. Mais les autres conférences prenaient pas autant d'ampleur. Mais on dirait que EA et Ubi en ce moment sont dans un genre de cock measurement mode. Là, c'est clair. Parce qu'ils font chacun leur gros show pour montrer qu'ils sont les Kings. Puis on est tout le temps avec des gagnants à bout de ligne là-dessus comme gamer. Là. Mais je veux dire, il n'y a pas de show de Hello Games. Là, je veux dire, pas puis encore. Il n'y en a pas de Rockstar. Puis c'est ça, Rockstar. Tout le monde. Rockstar, c'est comme, by the way, GT5 is coming out next year. Fuck you all. It's gonna sell again. Ils vont même pas être. Je pense que, regarde, où je voulais en venir, qui est. Comme c'est Blizzard. Juste... Blizzard, c'est la même chose. Apprenez à arrêter, s'il vous plaît. Excuse. On va apprendre à se respecter quand on parle. C'est juste, où je veux en venir avec EA, c'est qu'ils ont montré beaucoup de stocks qui s'en venaient l'année prochaine. Mm. Puis on n'a pas rien appris de nouveau. Puis ils ont fait leur stunt de le bêta de Battlefield Hardlines live là. Ouais. Puis c'est pas super écœurant. Qui l'a joué? Pas moi. Moi, j'ai joué au PC, puis j'ai joué au PS4. Moi le problème, c'est que... Des bonnes matchs ou... C'est, en fait, c'est parce que c'est très... Ça fait partie de... C'est trop tôt. Il est pas poli leur jeu. Il est pas le fun. Puis je pense que ça va devenir une nuisance pour eux autres de laisser le monde jouer de bonheur de même. Mais c'est mon opinion à moi. Puis l'histoire est le fun. C'est vrai, quand ils ont présenté ça, Cops and Robbers, tu sais, t'es la police, puis les voleurs, puis tu voles. Puis... Sauf, c'est Call of Duty. Voyons, c'est Battlefield. Tu m'as mélangé. Ouais, mais moi, c'est là Counter le problème. Counter Strike, André. Get non, mais c'est plus de la guerre. C'est rendu. Hey, là, tu spawns. Hey, je t'apparais jouer. T'apparais d'une Mustang en milieu d'allée. Avant, je jouais d'un Humvee au Vietnam. C'est Battlefield. C'est Battlefield. Mais moi, dans la Mustang. Moi, j'étais confus parce que je pensais que c'était Battletoads Hardline. Fait que j'étais hype au bout. J'étais comme, yeah, Battletoads. C'est que j'aurais trippé. Puis après, c'est ça, c'est Battlefield. T'es un criminel dans LA. Ouais. Fait que j'ai fait comme moi. Mais hier, ça m'a laissé sur mon appétit parce qu'il y a beaucoup de stock l'année prochaine. J'ai été hype quand j'ai vu le vidéo de Casey Hudson puis la gang de BioWare qui parlait de Mass Effect. Puis ils ont montré du footage de développement, des choses comme ça. C'était cool. Mais Ubisoft, pour moi, on volait le show. Y a-tu une affaire? Parce que t'étais là, je le sais, c'est... En fait, j'étais pas là. J'ai pas pu assister à EA ou non, mais pas à la conférence, mais je veux dire, dans le E3, parce que toutes les conférences, techniquement, je les ai vues quasiment autant que toi, je pense. Là, dans sens, j'ai vu la même. C'est ça. J'ai à vu part Nintendo, t'en as vu plus que moi. Ouais, c'est ça. J'ai vu l'intégrale autant que toi de ça. Mais y a-tu eu de quoi, ou puis toi aussi, Eric, là, peut-être que t'as cliqué, que moi j'ai juste pas vu, là. Autant Nintendo, Sony, Microsoft, Ubi ou EA, peu importe, là, y a-tu quelque chose de nouveau? C'est pas nouveau. Que vous avez. Wow! Je dirais pas nouveau, mais No Man's Sky m'a wowé personnellement. Ah, mais c'est pas EA, ça. Mais, non, non, mais okay, on parle de juste de EA, là. Peu importe. Parce que je pensais que c'était général. Tu sais, juste exemple, il y a deux ans ou de quoi, quand ils ont montré, exemple, la Wii U. Ça m'avait pas impressionné. Non, mais tu sais, juste le fait que nouveau control, tu sais, juste une affaire que la tu Wii fais comme... La Wii a fait ça, mais pas la Wii U. Aussi, ouais. Aussi, mais il y a rien eu cette année, à part genre Amiibo qui essaye de sortir du Skylander. Fait que là, tu parles juste dans control. Dans, peu importe, dans du nouveau gameplay, un jeu que... Ben, No Man's Sky. C'est quelle, celle-là? C'est celle à la fin. Ça, c'est celle qui était à la fin de la conférence de PlayStation, là, c'est... Procedural Galaxy, là, où ce que tu peux pas mal te... On sait pas encore c'est quoi, mais t'avais le démo. Chaque personne que qui... tu voles de, comme d'une planète, t'es en train de marcher, t'embarques dans ton vaisseau, oh, tu voles okay, dans l'espace, oh. Tu vas à une autre planète, t'atterris, tu découvres d'autres choses. En fait, c'est que chaque personne spawn sur sa propre planète. Puis le monde se crée au fur et à mesure que tu l'explores. C'est un petit peu zone grise. Il n'y a rien qui confirme que c'est multijoueur, il n'y a rien qui confirme que ça ne l'est pas encore. Ouais. C'est un petit peu mitigé là-dessus. Mais moi, ça blew my mind. Ça me fait, comme j'ai vu quelqu'un là, être dessus une planète. Puis ça avait l'air de donner. Le petit extraterrestre, pas extraterrestre, astronaute qui. Non, t'as pas vu l'astronaute. En fait, non, ça, c'est le même jeu que t'avais vu au VGA de Spike. C'est ça. Ils ont montré juste un trailer à Spike. Mais là, parce qu'ils l'ont monté à la fin de la conférence de Sony. Mais ça m'a impressionné. Si on parlait de choses qui m'impressionnaient, c'est genre un Pokémon Snap slash Privateer, peut-être. On va voir. La crainte principale, c'est qu'il n'y a pas de gameplay. On n'est pas sûr comment ça va jouer. Mais l'ambition est écœurante en crise, là. Mais parce que moi, j'ai les mêmes gars que Joe Danger. Hein. Watch out. Moi, j'ai juste l'impression de regarder comme ben des trailers cool. Mais que j'ai fait comme OK, tu sais. Il y a eu aucun wow. J'ai toi, beau ou... jouer à Battlefield, un nouveau exemple, puis qu'il est pas plus wow beau au toi. Monde, ça va jouer de la même maudite façon avec les mêmes contrôles, puis le même piton, puis le même reload, puis vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y aura pas de gameplay révolutionnaire. Même un exemple, passer de Tony Hawk au jeu Skate. Tout le monde fait comme oh shit, qu'est-ce que c'est ça là? C'est comme un gameplay révolutionnaire. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a rien que des Mortal Kombat qu'on sait qu'il va jouer exactement comment il va jouer. Oui, il va être plus beau. Oui, ça va être comme regarder un film, peut-être, ou je sais pas. Mais ça va, VR? Être, ça va être. Peu importe. Ça va être les mêmes gameplays, les mêmes. Tu sais, il n'y a pas de révolution, là. La seule affaire que j'ai vue, c'est Amiibo, qui est de la grosse copie pure de Skylander. Si Nintendo avait sorti ça, ça fait combien de temps que ça existe, Skylander? 2-3 ans? 3 ans. 4 ans, en fait. Si c'est Nintendo les premiers qui avaient sorti ça, ben, premièrement, le copyright aurait été là-dessus, qui aurait été inachetable ou intouchable, que les autres Skylanders n'auraient jamais existé, puis peut-être pas désigné non plus, d'après moi, là. Mais là, c'est le contraire, fait que c'est comme... C'est du n'importe quoi. On va vous vendre n'importe quoi pour les fanboys, puis... Ben, y a un terme pour ça, c'est du Toys to Life. Ouais. Fait que Skylanders est un concept que moi je me souviens dans mon début de carrière dans le domaine du jeu. Il y avait déjà eu un pitch pour des jouets comme ça. Genre ça n'avait jamais marché. Puis c'était Activision. Puis je me souviens pas c'est quoi le nom de la franchise. Il était juste pas prêt aussi, peut-être. C'était dans le temps du PS2, si je me souviens bien. Puis ça marchait avec le Hi-Toy. Puis ça avait été canné, ça avait pas fonctionné. Ça me dit de quoi le PS? Puis après I have the Beholder, c'était pas les cartes. Je me souviens. Là. Non, ça c'était PS3, ce que tu parles. Ouais. Puis ça avait fonctionné avec des cartes et des choses comme ça. Mais moi, je te parle vraiment de franchise avec des jouets qui devenaient vivants. Puis personne n'avait embarqué. Puis finalement, tu sais, je veux pas, gars, ça a pris quand même des fabricants comme Activision. Ils ont pris une franchise qui marchait plus, Spyro. Ouais. Puis t'as Toys R Us qui sont embarqués pour développer avec eux autres. Parce que Toys R Us a développé Skylanders avec eux autres. Faut pas l'oublier, ça. Mais le terme... Mais les figurines, puis le plan life, de vente, pas ben le jeu ça, en tant que exactement. Tel, là, c'est ça. Là. Mais le concept de Toys to Life, puis tu sais, Amiibo, puis t'as beaucoup de monde, puis le vibe, c'est ça, c'est « Ah, ils ont copié Skylanders », puis à quelque part, oui, sauf d'un autre côté, quelle franchise est plus forte que Nintendo pour driver une affaire de même? Tu sais, c'est comme... À part d'Activision. T'as un bonhomme, nommez-moi... Non, mais c'est vrai que techniquement, Nintendo... est plus fort oui. que Spyro là, quand tu y penses là. Ben je sais pas là, de vu qu'est-ce qui se passe avec Skylanders ouais, mais, dans ça. Oui, mais ça a pris 4 ans pour se rendre là, puis moi ça je suis sûr qu'en 1 an les ventes d'Amiibo je suis sûr qu'il embarque dans le game vite, mais il y a quand même une grosse part de marché de kids qui voit aucune différence entre les deux. Ben ça dépend, parce que les parents peut-être, les grands frères, les grandes sœurs, les cousins, les cousines peut-être. Ben, je suis sûr que tu mets Mario Bros à côté de Spyro, puis le kid va reconnaître Mario tout de suite. Ouais, mon gars, à côté mon de gars, Spyro, oui, mais à côté des Skylanders, c'est pas nécessairement les juste Skylanders, dire, c'est pas mal ça. Mais c'est quoi les ventes des Skylanders dans les derniers 4 ans? Sont bonnes les ventes. Je te dis pas que c'est pas bon, mais je te dis juste que la brand recognition, la reconnaissance. Je suis d'accord que c'est plus fort. D'accord, ouais, je suis pas là pour Nintendo, là, ça, eux autres, ils peuvent juste arriver et faire qu'ils veulent une figurine de Mario. Encore, il y a une affaire. Skylanders, ça reste un jeu. Tandis que, Amiibo, pour l'instant, les Amiibo, il n'y a pas de jeu. Pour l'instant, Amiibo, c'est soit que tu pèses dessus et qu'il vient avec t'aider Smash avec Smash Bros. Ben, leur stratégie de marché. C'est comment ils montent ça, moi, en tout cas, tu me diras si tu le vois d'une autre façon. C'est tu vas les acheter en jouant à Smash Bros. Tu vas juste le coller sur ta manette, puis c'est comme un genre de special move bonhomme que tu viens utiliser bien vite, si on peut dire, pour un combat. Tu accumules de l'expérience dessus. Puis à ce qu'ils disent, tu vas pouvoir les mettre dans Mario Kart aussi. Ben, ce que je doute un peu de l'utilisation du bonhomme. C'est un Skylanders, faut pas s'oublier, c'est un Toys to Life dans le fond. Sauf que. Mais il n'y a pas de jeu. Pas à un jeu. De Skylanders. Non, mais tu comprends. Parce que le jeu Skylanders est un hack and slash. Mais c'est RPG. Ça que je te dis, mais où je veux en venir, c'est que ce Amiibo-là de Nintendo ne se limitera pas à un non, jeu. C'est il ça. Va être dans tous les jeux. Mais il n'y aura pas de jeu associé à. C'est ça aussi, je veux dire. En fait, on ne le sait pas. À date, en tout cas, c'est ça. Puis là, ils ont fait un pitch, mais ils l'ont pas confirmé, puis rien. Sauf que, imagine la force de Nintendo où tout leur jeu, le Amiibo pourrait être intégré du jour. Mais imagine, ils ont fait Super Mario 3D Land, ça serait le genre de jeu parfait pour oui. incorporer un genre de Amiibo que tu Zelda, pèses dessus. Zelda, Hyrule Warriors, le prochain Zelda ouais. Wii U, un Super Smash, un Mario Kart, un Mario Galaxy 8. Le pouvoir de Nintendo, c'est qu'ils peuvent l'intégrer dans plein de plateformes très accessibles rapidement. Mais juste le contenu de Nintendo. Ben ça dépend, parce que même encore là, moi, ma prévision, c'est que éventuellement, ça sera pas juste du contenu de Nintendo. Moi, je suis sûr qu'éventuellement, ces figurines-là vont se retrouver dans ouais. les Skylanders. Comme des Mega Man. Exactement. Mais on est vraiment si longtemps de ça sur des Skylanders de Nintendo. Des Amiibo, ben c'est. C'est important parce que c'est une grosse partie du marché, puis c'est une grosse partie des futurs gamers. Il y a un paquet de monde que leur premier jeu, c'est Skylanders, faut pas l'oublier. Ou Pokémon. Ou Pokémon également. Mais. Mais imagine si ça vend, les Amiibo. Mais c'est sûr que ça va vendre, sais que ça va vendre. Ouais, mais vous avez si vu Skylanders beaucoup, parce qu'ils n'ont comme 10 le bonhomme là. Ouais, puis il a dit il y en a d'autres qui s'en viennent, fait qu'il moi, va tout développer ce que je sais tout, c'est que je suis très content que j'ai pas deux garçons qui sont à peine 4-5 ans. Mais tu sais c'est dur de trouver un wow cette année. Moi j'ai eu deux wow. Le VR 1990 ben, style. Le VR oui, la seule affaire que je trouve plate c'est que moi j'étais là, fait que le VR c'est important mais ils l'ont mal marqué. Ils l'ont mal transposé. Explique-nous ton expérience avec. Est-ce que tu avais la version 2 de. Mais t'as essayé Morpheus, puis Oculus. J'ai pas essayé Oculus. Mais t'as essayé Morpheus. J'ai essayé Morpheus. On reste sur le futur de l'Internet puis des jeux vidéo des années 90, puis explique-nous Morpheus. Ben avant, je vais finir de dire ce que j'avais à dire. C'est que. Ils l'ont mal expliqué, fait que la réalité virtuelle. Ils ont mis beaucoup d'emphase là-dessus, Sony, mais. Moi, j'ai écouté les conférences, des choses comme ça, puis on dirait qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps dessus, puis ça a l'air... C'est quelque chose qui est tangible. Si tu l'essayes, la réalité virtuelle, tu capotes. Si tu en lis ou tu le vois en vidéo, t'embarques pas. Puis je trouve ça, c'est une des tendances qui s'est mal transposée. Ben, mais qu'à un moment donné, que les gens vont l'essayer, vont l'adopter. C'est normal. C'est comme quand il te montrait le E3 sur ses TV puis il dit « Check les graphismes HD écœurants » puis tout est sur ta TV cathodique chez vous. Ben, c'est un regardes peu ça. Un gars qui a filmé en pas HD sur ta TV pas HD, mais... qui filme une TV HD puis qui dit « Check comment c'est beau » puis tu fais comme « Oui, c'est beau, mais... » Moi, je vois ça plus comme regarder Lawnmower Man puis après ça, aller jouer à Pterodactyl puis être quand même assez déçu. On est-tu plus proche au moins, hein? Ouais. On est un peu proche de l'illusion que nous on avait, parce qu'on est toutes des personnes dans le début de trentaine, on a toutes vu. Pas des FrameWire en 3D. Mais puis... c'est ça, mais on a vu un hype de VR, là. Comme toute personne à table ici, on a vu un hype de VR quand on était kid, puis on a vu un futur de VR, puis on dirait que ça c'est allé comme dans une cave, comme le 3D le fait pendant une couple d'années. Ben, ils ont trop essayé de le sortir rapidement. Mais moi, je veux savoir d'André, est-ce que une fois que tu es allé à leur démo interne, ou à leur démo de personnes quand tu l'as essayé, c'est-tu mieux que qu'est-ce qu'on, comme si tu une meilleure expérience que de Teradactyl? Ben c'est sûr, premièrement c'est pas la même technologie, deuxièmement les graphiques sont beaucoup plus, regarde, moi quand j'ai essayé Projet Morpheus, ils te mettent le casque d'écoute, ils te mettent les écouteurs, puis le gars il dit à peu près 8 fois en plus, je vais te mettre le casque, je vais te mettre les écouteurs, c'est moi qui te les enlève. Tu touches pas au casque, tu touches pas au... J'imagine qu'il y a dû avoir un cave qui l'a pété un moment donné ou quelque chose en même, mais tu sais, ils sont vraiment parano, puis je les comprends. Mais là, il te met le casque, puis au début, j'ai été étourdi un peu. Tu sais, t'as comme un 15 secondes où c'est comme wow, t'as peur. Puis là, tu regardes autour de toi, puis là, tu te rends compte que partout où tu regardes, t'es dans le monde, puis là, un moment donné, ton cerveau il embarque, puis il réalise. Tu fais comme ok, ouais, tu vas juste voir ça, c'est pas pire. Puis là, il te donne les deux moves. Puis là, il dit ça, c'est tes mains. Puis là, tu lèves les deux controllers de move, puis les manettes. Puis là, tu vois, t'as comme des mains. Puis le oh, move au PS4? Ouais, move au PS4. Ah, ça, c'est une exclusivité. Il va y avoir de move sur le PS4. Ben, en fait, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont bougé avec la même move, je suis sûr et certain. Ils essaient de trouver des manières de les repasser. Les recycler, mais, les mêmes manettes. Puis là, c'est un jeu médiéval. Parce que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'ils font de la réalité virtuelle, faut qu'ils te montrent du médiéval. Fait que là, j'ai comme deux gants de. D'armure. Puis là, Milter très près. J'ai devant moi, puis là, le gars, il dit, tasse-toi à droite. Fait que là, ben, tasse la tête, puis là, tu vois, il y a comme un râtelier avec deux épées. Mais tu utilises des triggers, puis là, ça va accrocher les épées. Puis là, tu pognes les épées, puis là, il y a un moment donné, whoop, il y a un mannequin qui apparaît en avant de toi. Puis là, je fais le step, je fais, ouais. C'est ça. Puis là, t'entends le gars, il part à rire. Puis là, le gars, il dit subtilement, il dit, peu importe le nombre de shots, je vois ça par jour, ça me fait rire un peu, tu sais. Fait que là, moi, j'ai steppé, je dois être expressif. Comme Jimmy Fallon. Puis là, tu te bats contre les mannequins. Puis là, tu tapes, puis cette botte-là, il est long un peu. Puis là, à un moment donné, tu commences à catcher, puis ton cerveau, il embarque. Là, tu y avait-tu les deux personnes connectées ou juste toi? Moi, il y avait juste moi. Okay. Fait que là, je me battais contre le mannequin. Puis à un moment donné, je fais comme un move où je croise les deux épées, puis j'y coupe la tête comme si c'était un ciseau. Puis tu sais, c'est cool, puis là, ça embarque. Puis là, un moment donné, il dit, OK, quand t'es tanné des épées, il dit, lâche les triggers, puis il dit, je vais te loader le simulateur avec l'arbalète. Comme personne qui observe en décompter l'histoire, on le voit tout montrer ça avec ses mains. Ouais, gesticule. C'est vraiment cool, là, comme tu vois, comme c'est rattaché à sa mémoire, comme ça. Gesticule beaucoup quand je parle. Mais là, il pèse un piton sur la manette, puis t'as l'arbalète qui embarque. Puis c'est là que mon cerveau a clutché. C'est là que mon cerveau, il a fait comme, OK, ouais, puis t'as comme un déclic. Puis là, c'est là que tu réalises Project Morpheus puis des first-person shooters, ça va être malade. Parce que je me souviens, il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, quand il avait sorti le move, puis qu'il m'avait fait essayer un genre de kill zone avec le gun, le zapper. Puis là, il expliquait, ouais, tu bouges, puis là, ça track tes mouvements, puis c'était pas intuitif. Je le joue, je l'ai aimé, ça, un peu. C'était mais moi, juste j'ai eu pas la misère. 100% mais c'était pas c'est parfait. C'est pas intuitif, c'est pas... C'est ça. Tu sais, t'es une limité fois que tu le gamais, c'était pas pire, mais l'idée était hot, là. Parce que t'es limité à la télé, pareil. Parce que t'as beau te rendre au coin en haut à droite, oui, à un moment donné, la caméra va bouger par elle-même, mais Mag, c'est pas fluide. Pareil aussi. Mais le jeu, il était pas fait pour ça. C'est ça, l'affaire, ben, je trouvais souvent... Sauf que là, t'as ton arbalète dans tes mains, puis là, tu bouges, puis là, un moment donné, tu vois tes cibles, puis tu commences à tirer. Puis là, un moment donné, je tire la première cible, puis je fais « OK ». Puis là, il y a comme eu vraiment un déclic dans ma tête, puis là, ça a parti, puis bien confiant, puis « Tau, tau, tau, tau, tau ». Puis là, j'enligne les cibles, puis ça fait comme « OK, là, le potentiel est écœurant ». Puis là, je regarde, puis là, un moment donné, t'as des cibles qui bougent partout, puis c'est cool au bout. Puis là, ça te coupe, puis t'as un dragon qui arrive dans le ciel. Puis là, le dragon, il se pose en avant de toi, puis il bouffe. C'était-tu Macho Man Randy Savage, le dragon? Mais le dragon, ah, il... c'était juste le mais dragon. Mais il bouffe? Ouais, t'as le dragon, il arrive en avant de toi, il ouvre la bouche, puis en fait, c'est un gros trou noir, puis là... Ça finit le démo. Il sombre là-dedans, puis ça finit le démo. C'était cool. Mais t'enlèves ton masque, puis t'es comme... T'enlèves pas ton masque. I know Kung Fu. C'est le gars qui t'enlève ton masque. Ah, puis après ça, tu le regardes, puis tu dis, I know Kung Fu. Non, après ça, tu le regardes, puis tu fais... Man, je sais pas si t'as acquis le swing qu'il y avait dans la visière, mais j'allais dans mon front à cette heure, pis c'est dégueulasse. Ah, oh, c'est allé directorial avec nous autres là-dessus. Ah non, mais Morpheus, c'était super cool. Fait que la senteur du masque... Ben en fait, non. Elle vient avec... C'est léger, pis c'est pas... L'expérience. Pis, ça va être cool. Moi, je leur donne 2 ans pour faire ça. Ça sera pas... Moi, je suis sûr que ça va être 2016 ou fin 2015. André, est-ce que tu vas vivre Ready Player One? Pas avec ça. Non, mais est-ce que tu vas vivre avec quelque chose qui s'en vient dans les prochains 5 ans? On n'est pas rendu là encore, je suis sûr. Fuck. Ce qui est de valeur, c'est que, tu sais, regarde, premièrement, les graphiques, c'était du PS2, PS3, des belles textures. C'est downgradé. Ouais, mais ça, il maîtrise pas super bien. Puis, c'est pas, je me vois pas jouer de même tout le temps. Je me vois faire certaines choses avec ça, puis c'est cool comme concept, mais non, c'est pas un Ready Player One. Je pense que c'est des expériences de party, puis de ouais, comme du André, il veut des lasers directs dans les brains. Non, en fait, je suis à l'aise avec un casque, mais je suis enthousiasmé, mais présentement, puis la question, puis là, c'était comme le running gag. Tout le monde qui a Saint-Morpheus, puis là, tout le monde jasait. Combien est-ce que tu penses que ça vaut, ça? Tu sais, t'as quasiment l'impression qu'il y a un miroir dans le fond, puis là, ils te font essayer. Puis là, c'est comme, t'as un gars, « Hey, les gars, comment vous pensez que ça vaut? » Puis là, t'as comme un gars qui s'allume une cigarette en arrière du miroir, puis t'as comme 8 gars avec il des pads. Il a vraiment un miroir? Non, il n'y a pas un miroir, j'invente ça. Mais il y a une caméra à quelque part. C'est clair qu'il y a... Non, mais gars, ils prennent les c'est impressions. Noté, là, ouais. Puis là, le gars, il dit, tu penses que ça vaut combien? Ça? Puis c'est un gars qui piastres. Est avec nous autres. Puis je dis, regarde, ça, honnêtement, si c'est plus que 299, ça pognera pas. C'est un add-on à ta console. Il faut que ça soit 100 piastres. Non, mais à 299, il y a une certaine élite qui va l'acheter, mais c'est un surplus à ta console. Oh, ça ben, rentre, hein, comme il faut en plus la console à 400-500 piastres, oublie ça. Exactement. Mais c'est pour ça que, sauf d'un autre côté, à 100 piastres, c'est cheap. À 299, ils ont le potentiel de faire de quoi de popper. Fait que tu sais, c'était comme un peu le running gag. T'sais, c'est cool, c'est le fun, mais combien qu'ils vont vendre ça? Une Kinect, c'est 100 piastres. Mais pour moi, ma vraie expérience surprenante et next-gen du E3, c'était Evolve. Ah, je pensais que ça allait nous sortir un amiibo de ton sang. Evolve de 2K, là, le jeu, c'est... J'ai hâte, ça. J'ai tellement hâte. Giant Citizen Kabuto, mais pas avec ton PC qui plante. Puis tu peux jouer une game. C'est vraiment... C'est pas la game de... C'est la game de qui, ça? De... C'est Evolve. Valve. C'est Left 4 Dead. C'est Left 4 Dead, OK, ouais. Evolve, pour les gens qui connaissent pas le concept, c'est que il y a 5 joueurs. Il y a 4 joueurs qui jouent les pisteurs, les chasseurs, qui doivent exterminer une créature. Et le 5e joueur joue la créature. Donc, puis il y a plusieurs sortes de créatures que j'ai vues. Ouais, mais ça dépend des tableaux, c'est ça. À chaque tableau, la créature change et les chasseurs changent aussi. Ouais. Fait que t'as un médecin, que lui, sa job, c'est de supporter les chasseurs. Un tracker. Le tracker, que lui, il voit les pistes, des choses comme ça. Puis dans le démo que j'ai joué, il met des traps. Le tracker a un chien. Le chien, il part puis il pisse le monstre. Ah, c'est pas pire. T'as le heavy, que lui, il a plein de guns. Il chasse, de partout. Là, ouais. Puis t'as le support. Le support, lui, il peut mettre des tourelles puis des choses comme ça. Puis fait, ben, il met des bêtes pièges, hein, puis des ça. Affaires. J'ai vu un tournoi, dans le fond. Ce qui est le fun de Twitch. Ça, c'est que le potentiel du jeu, il est cool, OK? Parce que tu joues, puis les quatre personnes essaient de piéger un joueur. Puis le joueur, lui, le monstre, ben il bouffe, puis il essaie d'évoluer. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce monstre-là, il évolue, puis c'est vraiment flip-side. Là, c'est retournement de situation complète. Il devient le chasseur. Le chassé devient le chasseur. Mais il y a 3 niveaux d'évolution que j'ai vu, ouais. En tout cas d'après le c'est le, vraiment, le, vraiment le tournoi, cool. Là. Ah, c'était, au début, j'étais pas... J'ai vu le jeu, j'étais hype. J'étais pas sûr avec le gameplay, mais quand j'ai vu le tournoi... Puis que je voyais vraiment comment que le monde jouait, la bébite, comment qu'elle jouait, comment qu'elle évoluait. Comme tu dis, admettons, les chasseurs, ils tuaient des bébites quelconques ou des animaux en se promenant dans le tableau en cherchant. Parce que tu veux pas que le monstre les bouffe? Ben, c'est ça. Eux autres, ils le savaient pas. Fait qu'ils laissaient un cadavre de genre de chevreuil là, sur le bord. Fait que le monstre, il passait par après. Puis lui, il mangeait. Fait que c'était comme le commentateur du tournoi, il disait, oh, la bouffe gratis pour le monstre. C'est ça. Il devrait pas Parce faire qu'il ça. Il est même pas obligé de chasser. Fait que moi, un moment donné, j'avais qu'à il savait pas, jouer. Là. Je tirais pas personne. Mais toi, t'étais chasseur moi, ou... Moi, j'étais medic dans okay. ma game. Parce que, check ça, OK, ils te faisaient rentrer dans la salle de cinéma, puis là, ils te font jouer un trailer, puis ils t'expliquent ça. Puis quand tu rentres, ils te donnent tout un bracelet, tu sais, les bracelets en plastique Livestrong. Ouais. Puis là, un moment donné, moi, je catch pas, puis je sors de la pièce. Puis là, le gars, il dit, c'est quoi qui est sur ton bracelet? Puis là, je regarde, je fais, ah, mais, gadon, medic, mets-toi dans cette file-là. Toi, c'est quoi? Hunter, mets-toi dans cette Cattle file-là. Call. Fait que là, t'es placé dans ton line-up, t'attends, puis là, un moment donné, OK, go, c'est ta game. Puis là, tu t'en vas tasser, puis t'es le medic. Mais qu'est-ce qui était cool, c'est que toutes les consoles sont linkées. Moi, j'ai joué sur... c'était une manette d'Xbox One. Je pense que c'était un PC dev kit ou quelque chose de même. Non, c'était la Xbox One. C'est la meilleure console qui existe en ce moment. Exactement, la Xbox One mieux qui était dans un kit. Casing mieux que le dev wear. Kit, mieux qu'une PlayStation. Mais en fait, je pense que c'était un jeu de PC tout simplement qui nous faisait jouer avec la manette d'Xbox. Impossible. Là. Mais toutes les consoles ou slash PC ou whatever ont des headsets Turtle Beach. Puis on chatte tout ensemble. Puis t'as le monstre de l'autre côté. Mais t'avais un gars, un des développeurs du jeu, qui a un cast Turtle Beach, puis qui est dans le même chat que nous autres. Fait qu'il dit, OK, les boys, là, vous autres, OK, le Hunter, t'as telle habilité, tu peux... Parce que tu joues une ouais. game. T'as pas le temps d'apprendre le jeu. Puis lui, il te donne c'est des hot, trucs. C'est hot, ça, quand fait même. Fait que là, un moment il fait comme, oups, tel gars, il est mort. Hey, le medic, utilise ton Lazarus device, c'est le right bumper, va voir le gars, puis tu le quittes. Fait que là, on jouait... C'est un training sur le coup, mais c'est super le fun, tu sais. Puis ce jeu-là, honnêtement, il était juste. C'était le fun. C'était facile et intuitif. C'était rapide. J'aime la twist du chasseur qui devient le chassé qui devient le chasseur, etc. Puis c'était pas, ils ont pas réinventé la roue là. Ils ont fait un jeu qui a déjà existé sur le PC. Ils l'ont actualisé, des maudits beaux graphiques, un gameplay le fun. Ils ont step up le fun. Mais je suis curieux quand tu joues le jeu, je sais pas s'ils en ont parlé, mais quand on va dire comme on achète Evolve quand il sort, là, les trois on l'achète. Ouais. Puis là on se rend compte et on dit ok, on va jouer à Evolve. Est-ce que randomly un de nous trois dans le groupe de cinq devient un châssis? Ouais. Puis après ça, quand c'est random. C'est random comme ça. Ouais. Puis après ça, le round finit. Puis après ça, haha, high five, je t'ai eu, tu m'as eu. Est-ce ça change. Puis ça on recommence un autre round. Ça change après. C'est ça bon ça. Ça fait 5, 6, 7 gars. Ben c'est quoi, 5 personnes? C'est 5 personnes par partie. Ça fait un party de 5 qui trippe en tabarnak pendant une soirée. Tu passes une veillée, c'est cool parce que tu sais, c'est pas. Ah ben c'est toi le monstre, puis là, ok, hey, je peux-tu être le monstre, puis non, c'est à chaque game, tu sais pas, tu spawns, puis oh boy, ok. Ça, c'est, ben, c'est comme quand tu jouais à Left 4 Dead, tu savais jamais quel côté que t'allais être, tu savais pas, c'était tout le temps de l'imprévu. Là. Moi fait j'avoue, j'ai pas assez joué. En plus, j'ai joué beaucoup au 1 puis au 2, dans le fond. C'était mon game changer, dans le fond. Moi, je suis curieux de savoir, là, tu sais, vous autres, dans le fond, là, c'est quoi le meilleur trailer que vous avez vu de... du E3 cette année. La meilleure bande-annonce que vous avez vue. Je ne vais pas dire le meilleur. Non, mais celle qui vous a fait le plus triper, là, que vous vous souvenez là, impulsivement, live, là, le premier trailer que déjà vous parlé, souvenez. Là, mais ça fait deux fois que je le vois, là, c'est No Man's Sky, là, pour moi. No Man's Sky? No Man's Sky m'a vraiment pogné. Là. J'ai vraiment adoré ça. Je ne sais pas ça va être quoi le jeu. Je comprends la crainte qu'on ne voit pas le gameplay et on peut être sceptique là-dessus. Mais l'ambition tout seul, comme j'ai dit tantôt, c'est de loin le trailer qui m'a fait triper le plus à date. Là. Moi, c'est le mash-up rapide de tous les petits jeux indie de ben, je suis pas prêt à dire indie, mais les petits jeux arcade. Comme ouais, c'était Xbox. Quoi, Cop quelque chose, tu me l'avais, Cuphead. Là, ouais. C'est, c'est avec les animations des années 30. Le jeu, ouais, fait comme un cartoon très des bien années fait, 30, là. Mais violent, c'est pas juste ça, là. Plein d'autres indie. Oh, il y en avait plein, là. Dans le fond, j'étais en train de je tombe en dilemme, là. Rien que cette semaine, les nouveaux jeux de, sur la Xbox One d'arcade, je suis comme, ah, j'essagette-tu. Une chose est claire, t'as une PS4 ou une Xbox One ou une Xbox 360 ou une PS3 ou une Vita. Les nouveaux forfaits de cash ou ce que tu fais partie de leur club plus ou gold. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine en tabarnak. Là. Comme je serais prêt à payer les deux, là, j'avais les deux consoles. Oh, ouais. Mais rien que ça avec le Xbox One, les nouvelles affaires et les petits jeux. On dirait plus intéressant, je trouve, que les gros ces temps-ci. Puis quand j'ai vu ce trailer-là, ça m'a juste donné. Ça m'a juste continué c'était ce feeling. C'était un bon bonus de eux. Fait que j'ai hâte la prochaine année, les petits jeux. Ah, ils ont beaucoup de jeux indie qui avaient de l'air cool. Moi, j'ai eu comme deux trailers préférés, deux bandes annonces qui m'ont fait vraiment triper, puis pas pour les mêmes raisons. The Division. Ouais. Bande annonce, là. Mais c'est deux à trois de fil qu'on l'a, là. Ouais, mais cette bande annonce, là. Bientôt. L'appel à l'émotion qu'il y a dedans, tu sais. Puis ils font le build-up, puis de la manière que c'est fait, tu vois l'appartement du gars, puis tu vois comme toute sa vie qui défile, puis tu te la quittes, puis un moment donné, whoop, il est dans la rue, puis tu sais, puis tu le vois jamais, le gars. Puis un moment donné, le gars, tu le vois dans sa face, puis il est comme fuck, j'abandonne, je suis dans la merde, j'ai perdu ma famille, j'ai tout perdu. Mais combien de fois est-ce qu'on a vu un jeu, sincèrement, là, un jeu se faire, où ce que tu vois le premier trailer, puis tu capotes dessus. Puis le E3 de l'année prochaine, tu vois un autre trailer pour que tu capotes dessus dans encore plein de mois. Ben c'est correct. Ouais. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ben... Parce que Division, j'avais hâte de jouer. Ça, c'était le premier. L'année passée, c'était un des next-gen games qui m'ont fait dire « This shit next-gen ». Un que tu viens de dire exactement ça, là, Sunset Overdrive. L'année passée, ils ont montré on quoi, a vu un fait... Non, mais on a vu un legit teaser. Mais sur ce legit teaser-là, pour peu, moi, là. C'était comme « Wow, ça va être écœurant ». Puis cette là, année, on a ils vu ont du juste gameplay. Rajouté. Puis mais tu sais, moi, je trouvais ça moins hot, par exemple. Mais je trouve que ça a l'air correct. Là, il y a un enjeu avec ça, c'est que... Puis je comprends pourquoi ils ne montrent pas le gameplay puis tout le kit. C'est que c'est une période... Tu sais, The Division, je suis content qu'ils ne montrent pas du gameplay puis qu'ils ne soient pas prêts pour une raison. C'est que c'est une période où... C'est pas un jeu que je veux voir sortir maintenant parce qu'il va être obligé de le faire pour qu'il soit sa version précédente. Il va l'être, non? Division va être exclusivement comme le prochain Assassin's Creed Unity est supposé être exclusivement Xbox One. Il va pas l'être. Ils vont faire une autre version apparemment pour le PS4. Ouais, un autre studio, là, genre Shanghai Studio. Okay. Ça, Assassin Carton. Anyways, c'est pour ça que je suis content qu'ils ne sortent pas présentement parce que je sais que ça va être vraiment une expérience next-gen. Parce que les jeux qui sortent là. Ouais. Sont limités par la génération actuelle, puis je trouve ça plate un peu. Ton autre trailer, c'était? L'autre trailer, c'était pour le fun factor, puis j'ai trippé. C'est ce que je pense? C'est Dead Island 2. Ah! J'avoue, ça, c'était un beau trailer. Mais c'était un trailer de trailers. Ben, tu vois pas de jeu, mais c'était un Dead Island trailer. C'est correct parce que Dead Island. Mais c'est ce que j'allais dire tantôt. Quand ils ont sorti Riptide, j'étais comme, oh, c'était pas de. Tu sais, le premier trailer de Dead Island, on s'en souvient, on avait vu ça. Là. À l'envers, puis c'était écœurant. Puis après ça, ils ont sorti Riptide, puis tu fais, puis là, Dead Island 2. Il n'y avait pas le choix de faire un beau trailer. La toune de bombe en plus, que le gars, il passe son chose, puis tout. Puis t'as juste le genre de petit breakbeat qui est dedans, qui est très subtil, où le gars, il marche, puis t'as les zombies en arrière de lui, puis t'inquiète, puis un moment donné, ça coupe, puis là, il devient zombie, puis là, whoop, il repart tout de suite, puis il marche, puis t'as le même monde en arrière de lui en zombie, puis calvaire, j'ai ri, man. J'ai trouvé ça tellement drôle, puis tellement bon, ce trailer-là. Fait que ces deux bandes annonces-là, ils ont fait vraiment comme, OK. Ça, c'est du fun. Ça va être des bons jeux. Ça va être le fun. Crackdown m'a fait ça. Quand j'ai vu le trailer, fait... Ouais, parce qu'ils en reviennent au 1. Le 2, c'est comme si on dit... Parce que j'ai l'impression qu'ils disent... Dans le trailer, là, comme on oublie que le 2, il existe. Ou passer à côté de ça, là, on revient au 1. Puis on a pris tout ce qui est du 1, puis on l'a Saint-Rowisé, genre. Puis j'ai l'impression que ça va être Crackdown... Over the top encore. Puis ben, fun, côté fun factor, ça va être, d'après moi, ça va être le fun. Mais moi, tu vois, c'est con à dire, mais c'est peut-être à cause de mon expérience avec Saints Row 4. J'ai l'impression que ça va être un co-op Saints Row Next Gen. Ouais. Mais même là, c'est. Good call. Je sais pas, Crackdown, on dirait, c'est comme. Je m'attendais à un nouveau IP. Je m'attendais à une nouvelle franchise ou quelque chose de même. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « OK, c'est cool. » Ben, pas de mais nouvelle ils ont franchise. Un nouveau IP, mais... C'est ouais. Mais c'est quoi le nouveau jeu de zombies qu'on n'a pas vu encore là, de la gang... Je sais pas si la gang de... Ben, le nouveau jeu de zombies... Non, mais le nouveau jeu de zombies de la gang de Dead Island, là, il y avait... Ben, c'est Dead Island 2. Il y avait un autre, là, où State que of Decay, non? Non, il y avait un autre, je veux dire Deadlight, là, mais c'était... Tu sais, t'avais le trailer l'année passée. Ah, là, le jeu de EA, là? Non, c'est de la même gang de Dying Dead Light. Island. C'est Dying Light. Ben, c'est EA, ça? C'est pas EA, ça? Je sais pas. Dying Light, ça me semble que c'est EA, ça. Faudrait que je google, mais ouais, le jeu où tu fais du parcours, puis tu sauves des zombies, puis ils l'ont montré Silver l'année passée. Je sais pas si c'est Silver, là, mais... Deep Silver l'ont montré l'année passée. Ouais, c'est vrai, ça me dit quoi, ça? Peut-être, écoute, ça se pourrait, mais... Excuse-moi, j'ai... Non, c'est correct, écoute, je suis juste curieux, je suis en train de googler ça, présentement. Bon, moi, les jeux de même, anyway, j'aime mieux pas first person, j'aime mieux third person, personnellement. Techland, ah non, c'est Warner Bros. Ah non, c'est vrai, c'est WB, c'est Techland, t'as raison, non? Ouais. C'est Dying Light, le titre? C'est Dying Light, le titre, effectivement. Mais tu vois, c'est con à dire, mais dans la présentation de Microsoft, quand ils ont présenté de Sunset Overdrive, là... Je mélange beaucoup ces deux jeux-là, Dying Light et Sunset Overdrive. Tu sais, la ville, les zombies. Les mutables des zombies, là. Sunset, c'est plus cartoon. C'est plus Ratchet and Clank. C'est ça. Dying Light, c'est plus réel. Mais Sunset, tu vois, moi, je suis peut-être un des seuls. Puis lancez-moi des tomates. J'ai pas trippé tant que ça. J'ai fait Moi, j'ai trippé au trailer l'année passée. Puis cette année, Maître Frank-Tou, quand j'ai vu beaucoup de gameplay. Jet Set Radio Future. Exactement ce qui m'a fait moins trippé. Moi, je pensais plus à Ratchet and Clank, plus mature, avec un mode en ligne. De ce que j'ai vu à Deadlock. Mais bien faite avec Cross the Weird. C'est là. Tout le temps sur une rail, on dirait. Ça n'a pas de l'air. T'as tout le temps de l'air en mouvement, puis faut que tu vises, puis tu tiens. Ça m'a décroché de la rail, ça m'a fait décrocher. Mais moi. Ça me gosse. Moi, des rail shooters, je suis pas capable. Moi. Après que j'ai vu le trailer de ce jeu-là, je me suis dit que ça va sûrement être une franchise qui va surpasser Mario dans les prochaines années. C'est sûr. Un jeu de cartes, pas là. Man, un jeu de cartes. J'adore. Il y a rien de mieux qu'un gars. C'est parce que tu parles comme l'internet quand tu parles comme ça dans les jeux vidéo. Je sais pas si t'en es rendu compte. Là. Tu peux vraiment chier sur n'importe quoi et dire that's what video gaming is maintenant. Si tu regardes les commentaires dans les nouvelles de E3, là, c'est comme quelqu'un montre une photo d'un jeu super écœurant. Parce que non, ça c'est la pire franchise de course. Non, mais ça a l'air cool, mais je suis pas le public cible. Moi, je suis pas. Des rail shooters, j'ai jamais embarqué. C'est pas un rail shooter. Là. Ben... Mélange pas les genres. Là. Mais non, wow, okay, les gars. C'est là. Tony Hawk qui tire. Ouais, mais un rail shooter, c'est où est-ce que t'as une map. Mais Tony Hawk, qui tire sur une Hawk, chose. Mais un rail shooter, c'est que tu peux pas bouger. C'est Rebel Assault, c'est Star Fox. C'est une mauvaise. Il s'est mal exprimé. C'est Tony Hawk qui tire. C'est tout. J'ai pas d'intérêt pour être Tony Hawk qui tire. Vous avez-tu peur de pas avoir le shit that's needed to survive? Ça va être rough quand même comme jeu. Garrick, je vais l'acheter pareil. Je fais juste dire que ça a l'air moins cool que je pensais l'année passée. Mais selon vous, là, c'était quoi le plus gros engouement que vous aviez avant de rentrer au E3? C'était quoi les attentes que vous vouliez avoir cette année? Je voulais me faire mind blown par Nintendo, sérieux. Ah ouais? Puis pourtant, ils ont quand même fait pas pire, non? Ils ont montré ben du shit. Beaucoup, là. Mais... Plus que moi, je m'attendais. Ils ont montré beaucoup d'affaires qui auraient dû peut-être être hot, que finalement, je m'ai rendu compte que... C'est peut-être moi qui trippe moins Nintendo, finalement, à Star. C'est niaiseux à dire, là. Mais... Non, mais c'est... Oui, j'ai grandi avec vous autres, toutes, là, mais Yoshi en laine, là. Hey! Je dis juste ça de même, Yoshi en laine. T'as pas vu le Nintendo Direct là, ils ont même parlé de ça dans une place où ils vendent plein la laine. De laine en arrière dans le décor. C'est... On dirait quasiment que c'était arrangé avec les gars des vues du Japon. Je l'ai dit en masse déjà, Yoshi en laine, pas rien rajouter là-dessus. Les Amiibo, j'ai pas aimé ça, puis je m'attendais à quelque chose. Smash Bros. C'est pas ça la question. J'ai la question, c'était, y a-tu quelque chose qui t'a fait vraiment triper? Non, ben, y a... Non, mais en fait, c'est pas c'était... ça. C'était... Avant de rentrer, moi, Rick, je voulais du Nintendo. Secondes. Là, il faut que tu focuses, Rick. Je focus. Parce que t'es souvent dans les sentiers battus ce soir, puis tu te bifurques souvent, et garde le flow avec nous, reste dans l'émission, fais pas ton propre show. Fait que c'est des déceptions, là, que tu parles de... Pantoute, non. On parlait de c'était quoi ton hype moi, en entrant. Okay, parce que j'entendais parler des choses qui étaient pas contents. Ben, c'est ça, je suis rentré Amiibo, là. Amiibo, c'était ton hype? Non, Nintendo, je voulais qu'il me mind-blown. Ça peut arriver? Non, ils m'ont sorti des copies d'affaires, des jeux de laine. Peux-tu au moins demander c'est copie... quoi que tu t'attendais? Qu'est-ce qui t'aurait ébloui? Parce qu'on a même pas parlé de Zelda en passant. Ben, mais c'est quoi qui t'aurait il ébloui? Il m'a pas ébloui là? Quand il a dit que c'est Dynasty Warriors mélangé avec Zelda. Il y a deux fait... Zelda, là. Ouais, mais Zelda l'autre... Hyrule Warriors. Puis l'autre, puis l'autre. On s'entend que Zelda, c'est le même jeu depuis 20 ans, peu importe la console, peu importe l'affaire. Peux-tu dire en passant, là, on dirait que c'était tout nouveau que Zelda était open world? Je m'excuse, mais Ocarina of Time, là, c'était pas mal open world pour 1998. Ça, c'est vrai, là. Ouais, mais c'est le j'ai marketing. Pas compris ce trip-là. Mais j'ai pas compris ça. C'était pas t'as même vu un trailer du premier Zelda du Nintendo. C'est comme, on a toujours rêvé que ce soit un monde ouvert. On saute du Nintendo au nouveau, mais on ignore le plus gros Zelda qui a jamais existé. What the fuck was that? Ouais, mais tu pouvais pas aller partout dépendant de l'histoire en partant. Fait mais que... c'était open world en crise quand même. Ouais. Fait que toi, dans le fond, c'était mais... Nintendo. Ouais, tu je voulais de quoi de gros, puis finalement, j'ai été déçu, puis je m'ai rendu compte que tout le monde a juste présenté des trailers bien normales de jeux qui s'en viennent relativement normales. Eric, toi, avant le E3, c'était quoi ton plus gros hype? Qu'est-ce que tu t'attendais du E3? À part du reboot de Guitar Hero, André, je pourrais pas vraiment te le dire. Est-ce que tu as eu ton reboot de Guitar Hero, par exemple? Ben, je veux dire, j'ai eu d'autres teasers de Fantasia. OK. J'ai pas eu de teaser. On a, mais je veux dire, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il fait? T'as-tu eu ton reboot de Guitar Hero? J'ai eu du Fantasia. C'est pas Guitar c'est, Hero. Mais c'est Harmonix, ça, que je te dise. Je m'attendais à avoir Amplitude ou quelque chose comme ça, ou ce qui monte après que c'est fait crowdfunding, mais ils ont rien montré. Ben c'est ça, Harmonix était là, mais ils ont parlé de juste leur gros contrat qu'ils ont mais avec Microsoft c'est et Electronic Arts. Ils sont ailleurs. C'est plus la guitare, c'est la danse. Mais à part de ça, je veux dire, on dirait que ça fait des années que je rentre plus avec des grosses attentes au E3. Mon dernier gros E3, je vous niaiserai pas, là, c'était quand ils ont démontré la manette de la Wii. C'était mon dernier gros hype, ouais. Là, c'était quand on s'attendait pas à ce qui s'arrivait. Puis t'as carrément Nintendo là, en 2005-2006 qui ont montré le doigt du milieu puis ils ont dit « Fuck you ». En passant, on relaunch ta GameCube avec des nouveaux contrôles, mange de la merde. Ça, c'était hot. Non, mais sérieux, là, c'était épique. C'était la drôle, que ça puis... marchait pas, ça? Il y avait un moment où ça marchait pas, mais t'avais les trailers quand même. Non, ça, tu parles des démos de Skyward Sword, là, ça, c'était une autre histoire. Mais je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas été mind-blown avec un E3. Mais comme à chaque année, j'ai rentré dedans, je m'attendais d'être mind-blown par Ubi, mais je veux dire, c'est comme screen qui recule. By the way, multiplayer, what the fuck, guys? mais tu sais, comme ça, c'était cool pour Ubi. À chaque année, ils font quand même mieux en mieux. Mais non, j'ai arrivé avec les attentes. Fait que t'avais pas d'attente. Ça fait des années que j'ai plus d'attente. Okay. En passant, je veux dire, en s'entendant que pendant la Révolution française, c'est pas des Britanniques qui sont dans les châteaux. J'ai rien compris de ça. Vous avez-tu vu le démo de le nouveau Assassin's Creed? Ouais. C'est tout anglais-britannique. C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est eux autres qui tuent. Ils se révolutionnent. Ben, c'est la France, la Révolution ben ouais. À Paris. Là, c'est des pas des Anglais. Anglais. Non, ben non. Ils se pratiquent ces Anglais avant de tuer eux autres, leurs gars. Eric, Colin, t'es cool d'histoire. Mais anyways, Marie-Antoinette a pas dit « let them eat cake ». Elle a dit « laissez-leur manger des cupcakes », je sais pas. Je sais pas. Ils l'ont tué. Fait que non, j'ai pas eu de grosses wow moment. Mais je l'ai bien suivi, puis j'ai eu des beaux petits jeux de Fable jeux. Fable à 4, non? Fable à 4, c'est cool, mais ils ont encore passé mon... Ils ont montré un peu comme le gameplay, mais je vais le voir quand je vais c'est, jouer. C'est ce le jeu-là. Même gameplay que les autres Fable, moi, mais à 4. Moi, j'ai roulé les yeux quand ils ont sorti Fable. Ouais, mais fait comme... Non, Halo, on n'a même pas parlé de Halo. Nomme un jeu d'une ancienne génération, genre de 360 ou de PS3. Hein? Singularity. Ben, imagine ce jeu-là à 4, next gen, bang. Ça serait weird en crise, là. Pas grave, ils vont le faire. Singularity à 4 joueurs. C'est ça le next gen. Non, mais Fable, je pense, tu sais. Fable, c'est. À 4. Il est couché dans son lit, il est malade. Il t'a fait des promesses depuis des années. Il dit ouais, on va aller jouer dehors plus tard. On va aller jouer dehors plus tard. Peter Molyneux, il essaie de vendre son green light de Steam. Tu le réveilles, puis là, tu fais comme hey, tu viens de jouer dehors, Fable. Tu dis ouais, tantôt, je fais pas. Là. Puis là, ils l'ont réveillé, puis laisse-les dormir, Fable. Laisse-les coucher. Laisse-les se refaire une santé. Tu sais, là, en plus, c'est comme. Je suis dans pour essayer. C'est le même jeu. Ça aurait pu s'appeler n'importe quoi d'autre que Fable. Ça aurait pu s'appeler Hero Adventure Quest. Je pense que j'aurais eu plus d'intérêt que. Fable où c'est plus ton propre personnage, c'est rendu à une classe prédéfinie, mais tu joues à 4. Tant que t'as un moment où ce que tu joues, puis t'es en train d'envoyer un message à ton ami comme au Xbox, puis tu dis bro, tu peux venir dans ma maison, j'ai besoin de baiser, avoir un kid pour un achievement. Ça, tu t'es plus au besoin de. Je sais pas s'il te permet de faire ça. Là, mais... Moi, j'ai jamais fait ça. T'as pas eu cet achievement-là dans les Fable ou Xbox 360. Puis il manque pas cet achievement. Ouais, mais tu peux pas le faire avec un co-op player en passant. C'est ça. Tu sais, je me vois pas dire, mais tu peux faire bébé. T'as besoin d'avoir un co-op player dedans. Ouais, mais parce que les co-op players, ça c'est. T'as besoin d'une famille, genre. Qu'est-ce qui était plate à Fable 2, ceux-là, c'est que quand tu voyais ton ami online qui jouait en même temps que toi, il te disait, tu vas les croiser dans ta game. Mais toi, t'étais dans la ville, puis là, t'appelais ton ami, ou tu disais, hey, va à cette ville-là, je veux te voir passer. Mais lui, il passait, puis c'était juste. Ce que tu dis, c'est que t'appelais avec ton téléphone bon, belle, ben, quasiment, là, avec la tu, ligne. Quasiment, là, hey, listen! Puis c'était un sprite blanc qui passait à côté de toi, puis c'était marqué le nom de ton ami, puis tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis quand il décidait de joindre ta game, il pouvait plus être son bonhomme, il fallait qu'il choisisse parmi trois bonhommes préconçus, puis qui était comme ton fait assistant. C'était un bêta, finalement, pour le 4 joueurs qu'on était avec toi. Exactement. Hein. Mais c'est pour ça que je dis, nomme un jeu, là. Toi, André. Ça va être à 4. Toi, André, est-ce que tu avais des attentes à quelque part là-dedans? Ouais, je voulais voir des jeux. Mais c'est. Puis c'est quel que t'as pas vu. C'est ce qu'on a vu. Je voulais pas arriver là, puis. Gars, yeah, ok, en 2013, Sony et Microsoft se sont sortis à graine la mesurée. Chaque année. Mais c'était pire cette année-là, je trouve. C'était comme les nouvelles consoles. Puis là, hey, notre console va faire ça. Puis j'ai fait, ok, c'est cool votre console, puis Sony veut le divertissement. Non, Microsoft veut le divertissement, puis Sony c'était comme, s'il vous plaît, achetez notre console. Puis Sony ont réussi par la défaite de Microsoft à vendre plus de hardware. Puis cette année, j'ai fait comme, ok, c'est cool, là, vous avez vendu vos consoles, vos chiffres initiales sont faits. Montez-nous de quoi. À quoi on joue à cette heure? Parce que moi, en tant que consommateur... Dude, Ready at Dawn exclusive, man. Man, c'est la première année depuis que je peux me payer mes propres consoles moi-même. Donc, on parle depuis PS2. Que je me suis pas acheté de console next-gen encore parce que j'arrivais pas à me brancher. T'es un élitiste PC, André. Non, même là. Pas. C'est juste, j'arrive pas à me brancher. J'hésite. Puis j'ai eu cette dilemme-là. Fait que je me suis acheté une 3DS. C'est ça, je m'en ai dit. Fait que j'ai acheté une console portable d'ancienne génération. Ça a pas de sens. J'arrivais pas à me brancher. Puis cette année, je me suis dit, je rentre au E3, là, puis montrez-moi des jeux. Je veux jouer. À quoi on va jouer? Puis tu le quittes. Puis j'en ai eu un peu. Mais j'en ai eu beaucoup plus pour l'année prochaine. Je pense que le E3 2015 ou 2015 tout court va être une bien meilleure année pour le jeu vidéo que 2014. Rien que t'acheter une console au E3 de 2015, tu vas avoir tous les jeux qu'on a vus là. Ben c'est ça. Tu vas pouvoir jouer, puis il n'y en aura pas de problème, puis tu vas peut-être la payer moins cher. En résumé, on peut dire que le grand gagnant, c'est Nintendo, parce que t'as acheté une 3DS, puis c'est les seuls qui ont fait de l'argent pendant le E3. Non, mais Nintendo, ils m'ont surpris. Ils m'ont surpris, par contre, parce que contrairement à toi... Moi, j'avais perdu, puis j'ai pas eu de console Nintendo. Tout le monde s'attendait à rien. Ma Wii, là, je l'ai tradé. Là, 6 mois après ma Wii, je l'ai tradé. J'avais acheté une Wii pour les Resident Evil. J'ai fait fuck ça. Je l'ai revendu, ça a arrêté là. Puis tu vois quoi? J'ai essayé Smash Bros. Puis j'ai fait, j'ai jamais aimé un Smash, mais j'ai fait, ah, c'est cool, man. J'ai essayé Zelda Hyrule Warriors, puis j'ai fait. C'est Dynasty Warrior. J'ai pris c'est la princesse, juste ça le problème. Link, j'aime pas Dynasty Warrior. Mais quand j'ai joué à Splatoon. Ouais. Ah oui, là, tiens, on n'a même pas touché Splatoon encore. Splatoon, j'ai fait, ok, Nintendo qui lance une nouvelle, un nouveau IP, une nouvelle bannière, un nouveau jeu, une nouvelle franchise. Merci. Il est cool, Splatoon. C'est un jeu, c'est le Call of Duty que tu peux jouer avec tes kids. C'est un jeu, le fun. Faut tu pour les gens qui sont pas familiers avec la franchise, Splatoon, c'est un jeu de tir à la troisième personne où on doit remplir un tableau de peinture. Fait que si on est l'équipe des mauves, faut mettre le plus de peinture mauve partout. Si on est les oranges, faut mettre le plus de peinture orange. Puis quand on n'a plus de peinture dans notre gun, on devient le genre de pieuvre qui plonge dans la peinture de notre couleur pour remplir absorber. Son bac. Absorber un c'est peu. Straight up du R&D de Nintendo, ce jeu-là. Puis honnêtement, il était le fun, le maudit jeu. Il était cool, puis ça, j'ai fait comme... Ah, tiens, Nintendo, tu me redonnes le goût un peu. Pis... Mais justement, du nouveau, un peu, quand je disais du nouveau ouais. gameplay, c'est déjà un step vers un petit quelque chose de plus. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis tu sais, Amiibo et les affaires la même, moi, j'ai, honnêtement, je l'ai vu et j'ai fait, OK, ça va vendre. D'un point de vue, dans mon autre vie professionnelle, je trippe. Mais d'un point de vue consommateur, j'ai fait, OK, gratis. Moi, j'en achèterai pas, mis à part que... sont crissement belles les figurines. Je vais peut-être les mettre sur mon bureau et regarder. Au pire, t'en achètes une que tu traînes avec toi puis ça va être ta figurine que tous les jeux, tu vas l'avoir. Mais, tu sais... Mon point d'en acheter 10. J'ai eu du fun avec Splatoon puis Nintendo m'ont surpris un peu cette année. Mais... Je pense que je sais ce que tu veux dire. Ils m'ont redonné le fun, Nintendo, que j'avais perdu avec eux autres. Puis c'est con à dire, mais là, j'ai acheté ma 3DS puis... J'ai le goût de me pogner une Wii U. J'avoue, tu l'as acheté après. J'ai le goût de me pogner une Wii U, ouais. Tu sais. Puis. Il y a du le fun dessus. Il y a du le fun là-dessus. Puis on leur a tapé dessus, Nintendo. Toad Treasure Hunter, il y a de l'air. Hey, create a Mario. Ouais, ouais, ça va être. Hey, tu fais ton propre tableau de Mario. Tu peux switcher entre Mario 3D. Si on s'entend que ça va être une app. On va voir, ils ont rien. Ce sera pas un jeu à 70$. Probablement, ils annoncent rien. Oui, mais c'est parce qu'ils savent que si c'est un jeu à 70$, ça vendra pas. Mais que si c'est un app pay to design à 20 à 30$, upload gros réseau social interne d'échange de tableaux, ça va pogner. Fait que où tu veux dans Nice, c'est que le trailer de Division l'année prochaine va être vraiment hot. En fait, l'année prochaine. Vous allez probablement jouer à The Division. J'espère. J'ai très hâte. C'est ce que je peux dire. S'il y a une chose à dire, là, toutes les jokes mis de côté, là, c'est un jeu là, que depuis le dernier E3, j'ai vraiment hâte de jouer. Là. Depuis que j'ai vu le dude fermer la porte du char de police pendant qu'il mangeait des balles à travers du char, puis j'étais comme next gen, motherfucker. T'as vu le trailer de gameplay dans la conférence d'Ubi quand il jouait, puis c'était un tableau généré, ça. Oui, là. C'est écœurant. L'aspect RPG dans le jeu, puis tu te le quittes. Fait que l'année prochaine, quand on va jouer à ça, on va capoter. Mais Destiny, je pense, ça va être un des premiers gros feels qu'on va avoir. Puis en parlant, on n'a pas parlé, mais quand ça vient RPG / FPS / monde persistant / co-op, ça va être notre premier qu'on va vraiment toucher cette année, ça là. Destiny est incroyable. Une couple de mois. Il y a un alpha présentement, puis les gens, le feedback est très positif. Puis je dis persistant MMO dans le sens de pas Borderlands, viens me rencontrer avec 4 joueurs. Quand je dis persistant, je veux dire tu joues ta single player game, puis si tu décides en jouant d'aller MMO, tu y vas. Ça, ouais. C'est hot. Ça. Mais Destiny a l'air sublime. Evolve est malade, mais. Moi, je veux savoir, justement, regarde, là, tu sais, tu parles de Division, j'ai out avec tous les jokes et tout le kit, mais le E3, il est fini, là. Là, on s'est fait annoncer un paquet d'affaires, il y a un paquet de jeux. Pour les gens qui nous écoutent, là, vous vous dites, ça fait peut-être 1h51 qu'ils radotent, qui n'ont même pas parlé semaines, de jeux, c'est mais fini, le regarde, tu veux avoir un podcast qui va te dire les dates de sortie et les choses comme ça? Ben, on n'est pas ce podcast-là aujourd'hui, on parle de nos goûts, de nos impressions, des choses comme ça. Va sur IGN, va sur jeuxvideo.com, Kotaku, GameSpot, Giant Bomb, Game Trailers. Il y a plein de sites qui font ça. Nous, on parle de nos impressions, mais je veux savoir, les boys, après le 3, là, qu'est-ce qui vient après pour vous autres? Qu'est-ce que vous avez hâte de jouer? Qu'est-ce que vous voulez essayer? Qu'est-ce que vous voulez acheter? C'est quoi qui vous a fait lancer votre carte de crédit sur l'écran, là, puis vous avez fait, hey, ça, je le veux tout de suite. Le Steam Summer Sale? Oui, ça présentement c'est sûr et certain. Mais y a-tu un jeu là, que le E3 a fini, vous avez fait hey, ça je le veux là, là. Oh. Non, hein? Non. Ben, ouais. À part Evolve, peut-être, mais je suis capable d'attendre, être franc, toi. Nuremberg à Forza 5. Ah, oh, shit, attends, je l'ai déjà. GTA 5 sur ma Xbox GTA... One? Non, je l'ai déjà sur ma 360, puis les heists sont pas capables de les amener, fait que ça me donnerait quoi de jouer. Mais je vais être honnête que j'ai hâte de voir le Next Gen. J'ai hâte qu'il s'y confirme que mon personnage de Xbox ou de PlayStation va transférer à Xbox One. Parce qu'ils ont juste confirmé que ça transférait à PS4. D'après mais moi, c'est oui. flou un peu. Là. D'après moi, oui, mais... Parce que ça, j'ai hâte de voir que ça a de l'air. Who cares, rendu là. Mais attention, on a un jeu, moi, que j'ai vraiment hâte, là, que j'ai vu au E3, qui me fait triper, là, Fantasia, man. Fantasia de Harmonix, le gros respect là, pour la gang à Cambridge, à Boston, là, je les adore. Là. Uncharted. Uncharted. J'ai vraiment hâte qu'Uncharted sort, en fait. Sully va être sûrement le Luigi trou de cul dans That's celle-là there. Mais moi, sinon moi, je sais pas Evolve je peux je mais tu l'as joué en plus fait que t'es déjà un pas en avant nous autres j'ai un fixe de Evolve il y a les Destiny aussi là, que du monde qui sont en bêta en ce moment peut-être les autres ils peuvent vraiment en mordre plus mais en dire plus mais j'ai hâte qu'il sorte Destiny je veux pas dire que je veux pas ouais. jouer à Destiny mais Destiny c'est un de ces jeux là que j'ai hâte sur Xbox One la seule manière qu'un jeu de Bungie doit être joué là, c'est ouais. sûr je vais l'acheter de même j'ai des tristes nouvelles pour toi moi il y a une affaire que je veux vous dire puis je suis pas supposé dire ça mais pis surtout ici vous allez me bouer là, les burns mais... Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai joué, à l'exception de Evolve, que j'avais une manette d'Xbox One, mais c'était un PC à l'autre bout, j'ai joué uniquement sur de la PS4 puis du Nintendo toute la fin de semaine. Toute la semaine. Fanboy, hein, non, mais j'ai resté vraiment... Non, mais j'ai resté surpris, parce qu'avant, c'était très mitigé. Puis je me promenais d'un studio à l'autre, puis « Ah, vous développez sur PS4? » Ah, ben non, mais c'est ce qu'on a eu cette année comme démo. Puis il y a toute la même réponse. Personne disait on développe sur PS4. Ben, c'est peut-être parce que c'est ça qu'ils ont eu comme démo. Puis qu'ils développent pas là-dessus. À porte fermée, il y avait un autre cadence, je te dirais. Okay. Mais honnêtement, j'ai resté surpris parce qu'il y a beaucoup de manettes de PS4 partout. C'est vraiment, ils ont repris un momentum. Puis moi, après le E3, une de mes grosses surprises c'était Evolve. C'est sûr, puis j'ai hâte de jouer à Evolve. Mais. J'ai le re-trip que j'avais dans le temps avec le PlayStation 1. C'est cool, ça. C'est la meilleure manette encore. Le bon vieux Sony d'antan que je voyais les bandes-annonces, j'étais comme « Fuck, j'ai hâte de jouer à ça. » Puis hey, « ça a l'air cool. » Puis ils ont des titres, puis ils ont de l'engouement, puis j'ai hâte T'as de vu Jet Moto 6? Tu m'as fait penser à quoi qu'il fallait juste que je le plug dans un sens, parce que t'étais en train de parler de ton genre d'amour un peu pour Sony. C'est un fanboy, c'est normal. Non, mais moi, la raison pourquoi j'ai acheté une PS3 dans le temps, la raison que je me souviens dans un E3, j'ai fait comme « Wow, c'était carrément ce jeu-là, il me faut une PS3 pour ce jeu-là. » C'est Little Big Planet. Uh-huh. Plein de monde va me dire « T'es épais, si c'est de la merde, nanana. » Mais non, j'ai capoté sur le 1, le 2, il était encore plus hot. Puis quand j'ai vu le 3, juste le début, quand ils ont fait comme Little Big Planet 3, puis je voyais l'écran, j'étais comme « Oh shit, ils sont en train de me montrer ma raison pourquoi je vais vouloir une PS4 à Noël. » Puis tu vas me dire qu'ils ont justifié ça? Non, c'est ça l'affaire. C'est la même, mais c'est l'affaire. J'ai été déçu parce que je vois ça comme Little Big Planet 2 avec un chien. Ouais. qui fait du wall running. Genre, ok, oui, il y avait aussi un oiseau, puis un bonhomme qui est gros, puis qui devient petit, un genre de bonhomme Spilsbury, Ant-Man mélange ensemble. Là. Mais j'étais comme, c'est ça que vous avez à m'offrir. Il me semble que le jeu, c'est de la construction, c'est de la création, puis vous autres, vous êtes en train de me donner juste des nouveaux genres de styles de personnages, quand techniquement, le personnage, il est supposé d'être un bonhomme, Sackboy. Ils sont un peu victimes de leur propre succès, je pense, Media Molecule, parce que... Je le veux pareil, je vais juste te le dire de même. Tu vas jouer. Je vais sûrement l'essayer pareil, mais je suis moins... Mais ce qui est malade pour les gens qui n'avaient jamais joué à Little Big Planet puis qui tombent là-dessus, c'est que tu te ramasses avec Little Big Planet 3, puis quand ils ont annoncé ça, une affaire, puis ça, la nouvelle a passé inaperçue, puis le monde l'a oublié super vite, mais... Little Big Planet 3 est compatible avec le contenu créé de tous les utilisateurs depuis Little Big Planet 1. Ouais. Tous les tableaux de Little Big Planet. Je comprends, c'est le même engin. Ouais, mais tu comprends, c'est le même engin, mais imagine-toi la valeur pour quelqu'un que. Tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un qui s'achète un PS3 ou un Xbox 360. T'as mis 120 heures sur un tableau à Little Big Planet 1, puis déjà, quand il est rendu dans le 2. Je jouais sur le PS4 d'abord, je jouais sur le PS3. Ouais, mais toi, tu n'en avais pas de PS3. Mais là, tu as toutes les nouvelles affaires que tu peux adder parce que tu l'as transféré. Le catalogue est incroyable. Puis ça, c'est une feature que. Le monde en fait comme ils l'ont oublié super vite. Moi j'ai vu cette fonctionnalité là, j'ai fait hey, t'imagines-tu la valeur que t'en as pour ton 60$? D'accord, t'en as déjà des millions de tableaux de fête là. Non, c'est débile. je pense que le E3 de cette année il a été un peu plus rock'n'roll. Il y a eu beaucoup d'annonces de jeux vidéo avant l'événement. Il y a eu beaucoup de spéculations, des choses comme ça. Il y a eu du stock de qualité d'annoncer. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont à venir. Tout le monde a eu des coups de cœur, des choses comme ça. Je pense que c'est une période de l'année qui est toujours un peu up and down, un peu fébrile pour les joueurs. Bipolaire. L'internet des jeux vidéo. Comment je peux dire ça? C'est un peu niche. C'est un peu, si tu sais pas c'est quoi le E3, puis les gens qui savent c'est quoi sont surpris que les autres savent pas c'est quoi, parce que ça a tellement d'envergure, ça a tellement de grandeur. C'est une guerre de nerfs. Mais d'un parce autre côté... Faut que tu rentres là, puis tu sais pas, c'est comme, soit je m'en vais me faire briser le cœur, ou je m'en vais me faire émerveiller... Exactement. De pour le restant de ma vie, là, je sais pas comment dire ça. Là, mais je pense qu'en tant que joueur, en tant que gamer, on va avoir une fin 2014... très satisfaisante. Ouais, puis on va avoir un beau 2015 Noël. Surprenant. Puis je pense que, tu sais, il y a beaucoup de gens que c'est la fin d'une période, c'est le début d'une autre. Puis on est dans une période d'incertitude où justement les studios développent sur les deux plateformes. Donc, ouais. Le monde reproche aux jeux de prochaine génération de ne pas être assez beau, mais le monde reproche aussi que ils sont obligés de supporter l'ancienne. C'est des fini, choses comme ça. C'est un peu ça, non? Non, c'est encore là. Mais les gens, ils réagissent encore, mais... Moi, je vois ça juste comme une résolution plus basse. Là. C'est oui, mais... Moi, j'avoue juste pas. Ben, il y a ça aussi, là, mais... On la voit pas, mais on n'est pas au Huawei encore. Puis j'ai vu des trucs créés next-gen uniquement. Puis je vous le dis, quand cette expérience-là va arriver en fin d'année puis en début d'année prochaine, ça a l'air con. Je suis pas un joueur de sport, mais juste dans NHL 2015, là. Moi, ça, j'ai hâte. Calvaire! Moi, j'ai le goût de l'acheter plug gratuite puis de joiner la ligue de... Jerry Godbout encore. C'est ça, ça fait deux ben fois Xbox que je plug One, dans, ouais. Je plug Jerry deux moi, fois dans l'épisode. Là, mais j'ai le goût 2015 de... cette année, hein, c'est sûr. J'avais le goût de ça. Puis à cause que je suis pas mal dans le soccer ces temps-ci, j'avais quasiment le goût de me pogner FIFA qui est comme à 75% de rabais. Mais dans la Ligue de hockey, là, dernière place va payer l'alcool pour l'année prochaine. Pour une rencontre de NHL. Là. Mais ce qui est malade, c'est qu'on va avoir des beaux moments qui s'en viennent en tant que joueur. On a eu un beau moment où il y a eu des joies, des déceptions, des amours comme ça. Mais pour les gens qui ne connaissent pas l'E3, ben, le mois de juin, ben, suivez l'E3 à ce moment-là. Ben oui. Vous allez avoir des conférences, des trucs comme ça. On a essayé d'aller le couvrir en direct. On en parlait ce soir. On a eu des belles photos, des bons moments. C'est un triple E3. Puis c'est une belle période où, c'est con à dire, mais tous les joueurs du monde sont contents ensemble. Absolument. C'est une période où il n'y a pas eu tant de mauvais internet de non. joueurs pendant le E3 parce que tout le monde est comme « Hey, t'as-tu vu ça? Ça va sortir, puis c'est le fun. » Puis le monde sont mais déçus, cette année, mais poliment. Il n'y avait pas de guerre de console. Exactement. Mais les fans de PlayStation, ils ont accepté finalement que c'est de la merde. Fait que la Xbox est la meilleure console sur la planète. Mais tu même, c'est vrai. Ben. C'est un moment de l'année où ça a été super cool. Puis on dirait, c'est comme tout le monde attend. Puis il y a du beau stock qui s'en vient. Ouais. Puis c'est une belle période pour être un gamer puis un joueur. Fait que suivez le 3. Absolument. Allez sur les sites qui vont les diffuser. Suivez Twitch. Ça va être Twitch en gros. Ouais. Ils vont sûrement je pense améliorer ça, leur en tout cas, game là, c'est ça. Mais Flea the Red Hot Chili Peppers, c'est un des animateurs. Encore, c'est pas la diffusion, c'était l'animation qui laisse. C'était comme écouter le canal Vox c'est du ça. Jeu vidéo. C'était à juste ce moment-là, ça. Probablement que l'année prochaine, ils vont ça va être mieux, là, mais... Écouter les conférences. Il y a eu des moments touchants. Fallait pas... Je leur en veux pas trop, mais quand je dis Canal Vox, là, je vois vraiment, dans le fond, en tout cas. Il n'y a pas un moment dans le Twitch stream où ce que le gars il a vidé son cœur et il a dit « J'ai eu une année difficile, merci de m'avoir suivi. » Ça, j'ai trouvé ça malaisant un peu, mais en même temps, je vis pour le malaise. C'est incroyable, parce que j'ai pas vu ça pendant t'as pas vu ça? C'est le gars qui ressemblait au chanteur de Red Hot il y a 20 ans, là, qui avait les cheveux très... au fer plat, là. Non, du fer plat. Ah, oh boy, OK. Puis, en tout cas, il est en plein milieu. À un moment donné, il a comme parti pendant 10 minutes sur « J'ai eu une grosse année difficile. J'ai vécu de la dépression, des tentatives de suicide, des abus de médicaments. » Puis, nanana. Puis, j'ai streamé. Puis, tu sais, puis c'est des streamers de genre le League of Legends. Fait que, tu sais, comme... Ça l'a comme sauvé. Puis, il est devenu quelqu'un. Puis... C'est comme le YouTube avant Google de Notre qui arrête de... J'imaginais juste le producteur en arrière en train de faire des gros signes de main de comme coupe. Mais tu vois, Milter, l'avantage de le stream de Twitch pendant le E3, c'est assez simple. dans 3 ans, Milter va chialer que c'est plus comme c'était avant. Ouais, je le dis, c'est rendu clair. Trop professionnel, puis je m'ennuie des bottes malaises. Mais Elbez, dans le fond, nous autres, on est curieux, là, puis je veux savoir, c'était quoi vos attentes du E3? C'était quoi vos trips? C'était vos découvertes, vos déceptions? On veut savoir ça. Envoyez-nous ça sur la page Facebook, justement. On va partir une petite discussion. On va appeler ça le thread. Mais je veux savoir... Un thread qui a plus que 200 likes et 200 comments, c'est-tu possible, tu penses? Ben peut-être, probablement. Ouais, écoute, Milter pourrait nous renseigner là-dessus. Pas sûr ça existe. Mais on veut savoir, c'était quoi vos attentes? Qu'est-ce que vous avez hâte de jouer? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Puis surtout... Partagez même vos friend codes, vos gamer tags, les choses absolument. Comme ça. Je pense que c'est une belle période pour être des joueurs, c'est une belle période pour être des gamers, puis ce serait le fun de pouvoir partager ce moment-là, toute la gang ensemble, justement. Puis là, il y a le Steam Summer Sale, il y a plein d'affaires, puis il y a plein de moments pour se procurer des jeux. Puis je pense qu'on peut tous triper et aller jouer ensemble, ben justement. Ouais. À bout de ligne, là, on tripe tous sur des jeux, là. Je veux dire, comme des gens peuvent accepter tout de suite que Microsoft, c'est la pire console qui ait jamais été conçue, puis la PlayStation, c'est la seule manière de jouer des jeux. Mais ça, c'est des choses qui sont possibles. On l'accepte. Il n'est pas capable, c'est plus fort. Mais à la fin de la journée, je veux dire, on aime tous jouer des jeux, puis on tripe tous sur un point commun. Il y a du monde qui joue encore à des vieilles affaires comme la Super NES. Ouais. Impossible, Milter. Les graphiques là-dessus, là, ça fait les yeux saigner. Ça se plaigne même plus, ces TV d'aujourd'hui. Mais là, par contre, j'annonce quelque chose aujourd'hui. Puis j'ai apporté un petit truc. Eric, j'aimerais que tu prennes derrière toi. Oh. Il y a un gros sac de couleurs. Ah, c'était. J'aimerais que tu me prennes ça. C'est au kid à Milter, ça. Non, c'est pas au kid à Milter. Ah, je viens de réaliser que c'est Sonic Boom là-dessus. Mon kid, il voudrait. Sonic Boom. C'est pour Boom. Ça que je l'ai rentré en cachet. Oh, attends une seconde. Sonic Boom, c'est pas un move de Street Fighter, ça? Oui, Gaël. Oui, mais c'est aussi un jeu qui s'en vient dans pas long. Ils ont acheté les droits. Ça, c'est un beau swag bag, ça, de E3, ça. Ben, justement. En me promenant sur le plancher du E3, j'ai eu une petite pensée pour nos amis du collectif qui nous encouragent, qui nous écoutent. Puis on n'a même pas fouillé là-dedans. On a rien volé là-dedans. Pour là. Les gens du collectif. On n'a pas eu le temps. Je vous explique ce que ça... Présentement, le sac du collectif vient dans un sac Sonic Boom. Je vais le prendre en photo. C'est quand même assez grand. On va prendre des photos, on va vous mettre ça sur la page. Quand je dis Sonic Boom, là, il y a le dessin de la gang de Sonic the Hedgehog. Là. C'est pas Street Fighter. Non, là. Mais c'est le jeu Sonic Boom qui va sortir de Sonic the Hedgehog. C'est ça qu'ils ont annoncé. C'est ça le nom du jeu. C'est ça le nom. Ça va être écœurant. Il a l'air super le fun, c'est ça le pire. Puis je l'ai testé, puis c'était quand même cool. Ah, ça, c'est un General Akbar, il n'est pas d'accord. À chaque nouveau jeu de Sonic, c'est la même chose. Non, lui, il n'est pas payé. Fais-moi confiance. dans le sac, présentement, on a des posters de Battlefield Hardline. On a un support de manette de Xbox One. Oh, nice. On a des Gogoons en pixel 8 bits. Ah, ça vraiment cool, ces Gogoons-là. De quelle compagnie? Compagnie Hyperkin. C'est qui, ça? C'est ceux qui font les rétrons. Rétron 5. Ah, oh, OK. Wow. Parlez-en à Papa Cassette, il va pouvoir vous aider. Ouais, ouais, ben, il y a en vente, j'ai microplay de ça, je l'ai vu. Il y a... C'est Dragon Ball. Un genre d'appliqué que vous pouvez mettre sur vos vitres ou sur un miroir de Sunset Overdrive. Vous pouvez prendre des selfies avec vous-même. C'est dans il était dans les toilettes du Convention Center, puis je n'ai volé un. Il y a même j'ai entendu une assassine femelle dans ce jeu-là. Il y a également... Hey, excusez, faut que je parle dans le micro. Pas comme Assassin's Creed. On a également... Un t-shirt de Dragon Age Inquisition, de Forza, non, mais cool, ça. Et de Evolve. Oh, wow. Il y a... Malheureusement, gris et pas noir. Je comprends pourquoi ils voulaient pas que moi et Milter on fouille là-dedans tantôt. Là. Il n'y aurait pas resté rien. Un autre t-shirt exclusif du kiosque de Bethesda. Que à chaque année, Bethesda ont un morceau de linge exclusif pour le Fallout qui est à l'intérieur. C'est, il y a tous les personnages des jeux de Bethesda. Ah, OK. Je peux pas l'acheter nulle part. J'ai vu le bonhomme Fallout bien vite. Pis ça. Ben, en fait, je suis sûr qu'il y en a un sur eBay. Là, mais il y a également des pins de Twitch qu'on sert justement pour diffuser notre podcast. À Google Company. Ça, c'est cool. Il y a, avec les pins de Twitch également, il y a des collants de Twitch qui viennent avec. Qui vient avec 2 subscribers à 5$. On a un livre de artwork de Creative Assembly qui ont travaillé sur plusieurs jeux à ce moment-là. Le nouveau Alien de Sega en passant. Le nouveau Alien Isolation qui est incroyable si vous avez aimé Outlast. Puis c'est pas mal ça dans le fond. Donc, c'est hot en Christ. Je vais faire un petit concours qu'on va annoncer sur la page du collectif, sur facebook.com/geekcollectif le podcast. Puis ça va être attiré parmi nos fans, justement. Il va peut-être avoir une petite question secrète ou un petit quelque chose. Pour un choix par la loi. On va faire tirer ça parmi vous pour vous remercier d'être avec nous autres. Puis je vous avertis, si vous ne répondez pas à la question secrète, je garde tout. Moi, je suis d'accord avec cette assertion-là. Ayez la bonne réponse. Ayez la bonne réponse, parce que sans ça, Milter va voler votre swag bag. Oh oui. Donc, la question est simple. Combien de cheveux est-ce que Shigeru Miyamoto a dans le front? En fait, il n'y a pas de question présentement. Okay. On va l'annoncer. Shit. En fait, ça va probablement être plus juste une affaire, genre inscrivez-vous sur une page, puis on va pouvoir vous contacter, des choses comme ça, si vous gagnez. Ça. Mais ça va être cette semaine sur la page du collectif. On va prendre des belles photos, puis on va pouvoir vous partager ça avec vous. Donc... nous sommes Geek Collectif, le podcast, oui. Semaine après semaine avec vous. Maintenant, fier partenaire de RZO, rzoweb.com. Belle petite gang, on les aime bien. Écoutez le fun regard des films de Godzilla. Il est cool. Je l'ai dit en crisse. Il est bon. Je dis ça comme ça. Il prend de l'ampleur, puis il est temps qu'il revienne. Parce que Marie, y a-t-il une actrice française qui meurt au début? Ou... J'en parle pas. Ah. Je spoil rien. Donc, pour les gens qui voudraient me suivre, mon nom est André Paquette. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Instagram au @uzumakiqc. Je suis avec vous sur Origin et Steam sur @uzumakiqc, sur Xbox Live également. PSN, maintenant, j'ai un PSN ID parce que j'ai pas de PS4 encore, mais ça s'en vient. UzumakiQC, j'ai un friend code de 3DS qui est 53439999. Puis je me rappelle plus. C'était 9999. Ouais, c'était comme tout collé. Là. Oh. Mais anyway, je vais vous partager ça éventuellement, mais si vous voulez me poser des questions, interagir avec moi, ça va me faire un plaisir de pouvoir parler avec vous. Eric, les gens qui voudraient parler avec toi? Mon nom, c'est Eric Hébert. Tu peux m'appeler au 514-863-7979. C'est vraiment tout. Quel numéro tu viens de plugger là? Je sais pas. Mais Montréalien un peu partout comme d'habitude. Là. Puis je m'excuse à cette personne-là que si quelqu'un appelle, c'est très quel drôle. Quel numéro? Mais ouais, Montréalien un peu partout. Price sur Wildstar en ce moment. Tu peux me trouver sur Facebook dans le groupe du Geek Collectif ou sur la page principale. Si tu veux avoir quelqu'un à roller dans les Bee Gees avec dans Wildstar, je suis là. Puis tu me heals, puis on va bien tuer du monde. Jonathan Milter sur Facebook, il n'y en a pas d'autres. Tu dois voir mes photos se promener partout. Anyways, c'est Facebook. Mes photos de poissons, mes photos de poissons et de plein d'autres affaires que je niaise. Zombie Milter sur Twitter, Milter 187 sur Xbox, puis sur Wii U, puis sur PSN, puis toutes les places que tu peux gamer dans le fond. Good. Fait que c'est ça. Add moins, follow moins, Twitch moins. Anything. Merci d'avoir été avec nous pour notre rétrospective E3 2014. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, on vous invite à écouter certains autres podcasts de RZO qui ont fait leur rétrospective avec des dates précises, des appréciations, des analyses en profondeur. Sinon, vous avez une panoplie de sites web où vous allez pouvoir aller visiter. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit dans 2 semaines pour le 44e épisode et le concours pour le swag bag sera en ligne sous peu. Donc, n'oubliez pas d'aller nous voir sur rzoweb.com ou de nous laisser une cote de 5 étoiles ou plus sur iTunes. On accepte les 6 étoiles à chaque jour. À chaque jour, on prend ça. Merci à tous et bonne fin de journée. Hey, les démons du midi, c'est-tu sur RZO, ça, avec? Moi, j'ai toujours pensé à ça, là, c'est quand même, là, quand tu y penses. Ils chantent pas à chaque temps en temps aussi là-dessus? De temps en temps. Des fois. En tout cas. All right. Flute drop. Je pense que ça saigne des oreilles.